Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Bah non, mais bien sûr. Mais n'essayez même pas de m'énerver. Je suis au bord de la crise de nerfs. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis moi-même, Florent Bernard. Il est lui-même, Adrien Méniel, bien sûr. Le Jason Statham français. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Les gens ne savent pas encore, mais vous allez voir. Ça arrive lourd. 2023, c'est son année. C'est la rentrée, pas du tout. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, nous, en fait. Quinze jours. Ouais. En fait, vu que maintenant on met les lives, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en fait plus du tout. Mais vous êtes très au rendez-vous sur les lives, ça fait très plaisir. On regarde les stats. Merci de nous suivre, c'est grâce à vous. Si on en est là, merci. Vous êtes nos amis, on vous aime. Merci pour la force. Merci pour la force. Vous avez entendu sa voix, elle est humoriste, autrice, chroniqueuse. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. 23 ans. Ambiance. Qui ça, 24 ans. Alors la moindre des choses, ce serait de prendre des places pour son spectacle qu'elle joue à l'Européen tous les mercredis jusqu'à fin décembre à Paris, pour lui dire qu'on est tous un peu Renault. On n'est pas des Clio, on n'est pas des Twingo, mais bien parce qu'on est Morgan Dell. C'est Morgan qui a dit non. Épitaphe. Ah, écoute. Du fromage Matt Pokora ou un rasta blanc. Oui. Autant de choses sur laquelle notre invité a juxtaposé sa bouche. En story Insta bien sûr, sinon la liste serait bien plus longue et peut-être plus crado, encore que plus crado qu'un rasta blanc, on en discute. Il est vidéaste, humoriste et designer de t-shirts moches. Oui. C'est Iggy Pop. Ah, c'est beau ce que tu dis là. Merci. Ça me fait plaisir de te. Ah, t'étais inspiré là. Écoute, j'ai fait un truc que je fais rarement, j'ai préparé l'émission. Ouais. C'est le moment de l'année où Spotify lance son Wrapped voir ce que vous avez écouté le plus. Alors, ça a donné quelques réponses sympas de votre côté. Tout le monde l'a fait ou pas? Oui. Ouais. Je comprends pas le bashing de ça. Moi, je trouve ça trop cool. Mais Alain bashing déjà. Allez, Alain bashing. Tout le monde bash. Arrête, t'as bashé. Je t'ai vu basher un peu ironiquement. Elle a bashé à fond. Et après, envoyer des captures d'écran en DM pour dire mais regarde quand même, donc bon voilà. Oui, mais parce que c'est un petit truc que je réserve dans l'intimité. Voilà, ça tu montes pas ça à tout le monde. Non mais je pense qu'il y a le côté énervant de voir que ça, mais bon, c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a un truc qui a un peu du succès, on dit oh là là, s'en bat les couilles, mais on a envie de le faire aussi, quoi. Qu'est-ce que t'as le plus écouté toi cette année, Adrien? Bah attends, laisse-moi regarder. Je connais pas que vous connaissez autour Guigui. Moi je crois que c'est Alpha One, mon artiste number one. Putain, il est dans l'air du temps, ce mec. Number one. T'étais mon premier love, Guigui. Moi c'est un truc de, c'est un groupe de hardcore qui s'appelle Tsunami, pour ceux qui connaissent, voilà. Oh là là. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est un autre nom. Sans trop c'est quoi. Je rigole, t'inquiète. Putain, tu m'éclates. Putain, c'est un ballon, t'es une épingle. Morgan. Okay. Moi le titre le plus écouté c'est Zina de Babylon. Ok. C'est un truc de rasta blanc. Bah tu vois, j'y ai cru aussi. c'est un titre marocain. D'accord. Mais c'est très connu, mais c'est sorti vraiment il y a 15 ans. Ok. Et j'allais essayer de chanter, mais ça va vraiment systémiquement, on va y avoir un problème de racisme. Et l'artiste phare, c'est Beyoncé. Oh, bah voilà. Parce qu'elle nous, une sorte d'empowerment. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc que je dis, moi, de mon côté, assez régulièrement, c'est une queen. Ouais. C'est un truc queen que je dis sur les réseaux moi, sociaux. Moi, je l'ai appelé Queen Bee, personnellement. Ah oui, c'est toi. Voilà, je l'ai baptisé ainsi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça a été un peu repris, mais... Et c'est... parfois, tu vois, quand je me sens pas bien le matin, un petit coup de Queen Bee et... Bah, t'as envie de croquer et la vie. Mais je vais au travail comme si j'allais au Super Bowl. Et ça marche. Moi, j'ai ça avec la chanson La fierté des nôtres de Rof. C'est une chanson qui me met. Alors, avec l'accordéon, là, il y a peut-être un peu d'appropriation, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un espèce de truc qui me met. C'est de l'accordéon, excuse-moi. Il n'y a pas plus français que cette chanson. Mais c'est vrai que, avec Morgan, on run. Avec Morgan, on fait de la course à pied. Et je commence toujours mes sessions course à pied par La fierté des nôtres de ROH2F. Après, tu mets pour ceux, pour la fin, pour bien sprinter. Là, exactement. En imaginant que t'es Gaston Bide qui se fait courser par un pitbull, parce que c'est Gaston Bide dans le clip de. C'est vrai, de c'est vrai. Oh, c'est mais vrai. La culture. Je croyais que c'était complètement gratos. Ça me faisait non, rire. Non, dans le clip de Pour ceux, c'est Franck Gaston Bide qui se fait courser par un pit. Ce qui gérait les animaux. Donc, il parle un peu c'est dans comme les ça qu'il est rentré dans le film. Dans le showbiz. Il a dressé rent en plan dans le film Les Dalton, pour tout vous dire. Non, je vous jure. Ok. Ah non, mais c'est pas que le Cinoche, c'est pas que vous deux, là, Morgan et Guigui. J'aurais préféré un bon voilà avant l'anecdote, mais pourquoi pas. Elle était tabzienne, c'est vrai. Elle était un peu tabzienne. Bon, à savoir que tabzienne, c'est juste une anecdote sur le cinéma. Voilà. C'est vrai. C'est une anecdote assez tabzienne. C'est un peu approprié, du coup. Une anecdote sur le cinéma, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on parle de Spotify. Sachez que Barilla a 330 000 abonnés sur Spotify. Barry White. Non, Barilla. Pourquoi, à votre avis? Pour Sara Perquetillamo. Non, non. Racisme et... Racisme et culture. C'est, voilà, genre, mais c'est ta nouvelle chronique sur France Inter. Des podcasts, ouais, bien sûr. Il doit y avoir une musique de pub Barilla, ouais, qui est... Non, vous n'y êtes pas. Ils ont un podcast vous sur les pâtes. Attends, la question c'est pourquoi ils ont un compte... Non, pourquoi ils ont des abonnés? Ils ont un compte de 330 000 abonnés. Et c'est une très bonne précision que tu apportes, Adrien, puisque ce n'est pas... un compte de chansons, ce n'est pas, je sais pas de vous piéger, il y a pas un groupe de des rock, recettes, oui, oui. Pas de recettes, il y a pas un groupe qui s'appelle Barilla. Barilla, non, pas un podcast Barilla. Oh, ah, est-ce que c'est le son des pâtes, c'est-à-dire les de l'ASMR, ah ouais, l'ASMR de son de pâtes. Voilà, est-ce que c'est la chanson, ouais, ouais. Barilla, t'es okay, quel alliage, tes souvenirs me poursuivent encore. Quentin de Alliage est décédé, voilà. Oh, il va bien se marrer là-haut. T'as bien ça aussi. Avec Elvis. Avec Philippe et Jean d'Ormesson. Ils ont mixé les tables. Tous les trois, ils sont tous les trois. Aïe, aïe, aïe. Ils sont au casino. Alors non. Mon bistrot préféré. C'est un peu sage. Bah, la chanson Renaud de Renaud où il dit ah oui, il y a tous les gens morts. Ah, c'est ça. Ah, ouais. Ah, je la connaissais et pas. Il y a Philippe des 2B3 dedans et Quentin de Alliage. Wow. C'est fou. Bientôt on va apprendre que dans la corrida c'est du point de vue du taureau, quoi. Les bras mentons. Donc non, c'est un compte Spotify. Ah, Spotify, c'est quoi? C'est des podcasts, effectivement, c'est des musiques. Mais quand vous avez votre petite interface, il y a quoi? Des gens qui nous suivent. Des playlists. Non. Ils ont fait des playlists de chansons italiennes. Pendant que tu cuis tes pâtes. À écouter pendant que tu fais cuire. Ah, pour la durée de cuisson des pâtes. Très bonne réponse. Un peu collectif. Non, non, ouais, franchement, ouais, ouais, il y a eu une passe D. Vous avez. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est. Hey. Ça, c'est la. Pour moi, c'est la. On France. Se tient les épaules. C'est la fierté des nôtres. C'est la fierté des nôtres. Oui, c'est le temps. C'est des playlists qui durent exactement le temps de cuisson des pâtes. Un petit minuteur. Mais des différentes. Bah, ça dépend des pâtes. Ah, pas, y a du oui, sur les farfales, c'est Capellini et spaghetti, c'est déjà pas du tout la même durée. La playlist spaghetti, ça dure 9 minutes. La playlist fuzzilli, ça dure 11 minutes. Fuzzati. Cotura, 9 minutes. Exactement. Sinon, un petit minuteur, puis tu mets la musique que tu veux. Bon, je sais pas. Bah, ouais, mais ils ont 330 000, mon pote. Donc, tu vois, ils ont quand même eu une idée de génie. Bravo. Actualité toujours, le député Alexandre Vincent a proposé une loi pour les maîtres de chiens et de chats. Que permettrait cette loi? On est pile dans l'actu, on peut pas faire plus dans l'actu. Je crois qu'on n'a jamais été autant dans l'actu dans le podcast, sauf peut-être la fois où on a imité Chirac et Mitterrand, où là on était vraiment pile dedans. De pouvoir ne pas aller au travail le jour du décès. De l'animal? Oui. Genre un congé deuil pour l'animal? Oui. Non. Ben, c'est pas ça. Mais un congé maternité? Ouais, Morgane Cadignan, 2026, elle va se présenter. Je sais pas quand est-ce que c'est les prochaines élections. Parti animaliste. Hein? Parti animaliste, bien avec sûr. Avec le petit canard là. Et Laurent Baffi. Qui est à la fois partie de la chaise. Voilà. Tu fais les deux. Voilà, pour une campagne tout en contradiction. Non, alors ce n'est pas ça. Chien et chat, est-ce que c'est rapport au travail? Pas au rapport au travail. Est-ce qu'on aura le droit enfin d'aller dans les supermarchés avec notre chien? Parce que ça suffit. C'est dégueulasse. Ça, c'est... Mais quoi, dégueulasse? Non, ouais, on se les fait voler devant les G20 en plus. Ah non, mais horrible, les gens. Bon, bref. Mais c'est vrai que moi je trouve, pardon, je fais une petite écartade. Moi je n'ai pas d'animaux de compagnie. Enfin, j'ai pas un chien, j'ai un chat, mais j'ai pas de chien. Et c'est vrai que je trouve très ballsy à Paris les gens qui attachent leur linge devant un supermarché. Ouais. Moi ce que je fais quand j'ai le temps, que je vois un chien qui est attaché devant un supermarché, c'est que je détache. Non, j'attends. Je le poignarde. J'attends à côté que le maître sorte pour être sûr qu'il se fait pas voler, quoi. Oh ouais. Après, c'est vrai qu'il faut du temps. Il est toujours du bon côté de la barrière, lui. Ah bah, regardez ce que je fais. Ouais, regardez sur Insta, envoyez-moi. Voilà. Attends, t'as dit qu'on pouvait pas être plus dans l'actualité. Non, mais ça c'est juste parce que c'est le député qui a voulu faire voter cette loi. Et d'ailleurs, sachez que l'hémicycle, je ne sais pas si c'est le bon mot, j'y connais rien en politique, est plutôt en faveur, hein, que ce soit du Rassemblement National au parti France Insoumise. Tout le monde est assez raccord là-dessus. On n'a pas des peines de prison pour les gens qui abandonnent leurs animaux, tout non. Simplement. Non, on peut leur léguer un héritage. Non. On peut leur léguer pas un héritage. Non. Leur nom, on peut leur donner notre nom. On peut les baptiser. Non, on peut les baptiser. Non, pas les baptiser. Mm-hmm. on peut les manger. Ouais. Quand tu dis que c'est dans l'actu, c'est parce que c'est en rapport avec un truc. Non, c'est-à-dire que le député a proposé cette loi. Là, il y a 3 jours, je crois, un truc comme ça. Donc un peu plus quand vous écoutez les. C'est un truc qui les protège un peu. Non, justement, c'est Alexandre Vincent, ce qui est assez fou oui, d'ailleurs. C'est un député Les Républicains. Mais c'est quelque chose qui les protège, nous. Pas nos du petits tout. Amis à quatre pattes. L'inverse. Je présente un bêtisier de Noël. Ils n'auront jamais fini de nous surprendre, Magnéto. C'est une loi. Écoutez, c'est une loi. Crah, j'ai envie de vous aider, j'ai pas trop envie d'en dire. Tu dis que ça les protège pas, mais est-ce que c'est l'inverse du coup? Non. Ça les... non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est difficile de les protéger. Ils sont morts. Ils sont morts, c'est à la mort. Ah, l'euthanasie. Pas l'euthanasie, tu l'as fait en ouvrant les bras. De faire des obsèques. Mais l'euthanasie, on a déjà le droit. Animaux. Pas des obsèques pour animaux. Non, l'euthanasie, oui, on a le droit. Bah oui, c'est déjà arrivé qu'on trois fois. On a déjà le droit, en fait. Oui, c'est plus pour les humains que ça. Non, mais il y a un truc maison. Ah, on a le droit de les tenir en laisse. On a le droit de les tenir en laisse. Non, c'est ça. Génial. Waouh, comment ils font ta gueule. Du mépris d'anniversaire, tout simplement. Je m'y attendais pas. Bravo. Ça ne t'est jamais arrivé. Moi, c'est le concept d'anniversaire pour moi. Ah, c'est d'abord une rubrique. Il a pas pris le temps de m'emballer, quoi. Une rubrique nécrologique d'animaux. On a le droit de leur faire une messe. Non. Ah merde. Non. Une messe d'animaux. Non. C'est un rapport avec ce qu'on fait de la dépouille. Ouais, exactement. On a le droit d'en faire ce qu'on... de l'enterrer. Alors, de garder les cendres. Ah, de les incinérer. Alors ça, tu as le droit déjà. Vous êtes pas loin. On a le droit de garder les cendres. De faire un enterrement, de faire des obsèques. Redis tous les trucs que j'ai dit avant. Excusez-moi, l'ambiance est électrique. C'est moi qui l'ai dit, les obsèques. Vous vous rendez compte, on aussi une équipe. T'es un malade, c'est moi l'équipe, non ? Écoutez, je suis Alain Gilopétré. Tout à l'heure, on se tenait par les épaules, apparemment, c'est fini. Ok. Je demande la VAR. Ah, twice. Coupe du monde. Alors, non. Vous boycottez la Coupe du Monde ou pas ? Non, mais je rigole. Que c'est après la mort, c'est faire quelque chose de la dépouille. Le naturaliser, l'avoir à la maison. Mais c'est non, déjà ça, le droit. J'ai vu une vidéo, pardon, je fais une petite partie. Oh, mais vas-y. J'ai vu une vidéo sur Insta glaçante. C'est des gens qui ont fait de leur chien décédé un tapis en souvenir. Genre la vidéo elle est horrible. Moi au début je vois le titre, je fais oh bah c'est des poils de chien. Non, on voit vraiment la forme de la tête et les pattes. J'ai eu un frisson pour les auditeurs. Excusez-moi, c'est peut-être trigger warning. Bon, c'est trop tard. Je sais pas très bien comment ça marche encore. Trigger warning. Endurcissez-vous. Et vraiment, c'est une petite musique au piano, bah très Instagram. Et tu vois la main de la meuf qui caresse la patte du chien. It's tricky, tricky, tricky. Donc non, alors c'est de la voyager avec. C'est après la mort. L'envoyer dans l'espace. Non. Garder un souvenir, c'est un truc. Non, c'est vraiment l'enterrer ou l'incinérer, mais où on veut. Alors, dans notre jardin, on perd la chaise. Parce qu'il y a déjà des signes. Avec soi-même. Oh là là, magnifique. Oh là là là là là. Ah, mais vous êtes sublime. Le député LR Alexandre Vincent vient de déposer une proposition de loi visant à permettre à nos concitoyens d'inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau ou cimetière. Si la pratique est interdite en France, je savais même pas que c'était interdit en France, je pensais que c'était autorisé, moi. Elle est autorisée en Suisse, en Allemagne, encore en Grande-Bretagne. Le Conseil d'État justifie cette interdiction en se fondant sur la dignité des morts et la fierté des nôtres, d'ailleurs, je le rappelle, impliquant de séparer strictement les espaces dédiés à l'inhumation entre animaux et êtres humains. Donc le texte d'Alexandre Vincent viserait à inscrire dans le Code général des collectivités territoriales la gestion des cimetières incombant aux communes, la possibilité pour celui qui le souhaite de faire placer dans la sépulture dont il est l'ayant droit les contenants renfermant la dépouille ou les cendres de son animal. Donc c'est se faire enterrer avec... Excusez-moi, il n'y a pas des sujets plus importants ? Il y a des gens qui meurent de faim. Et puis, avec le prix de l'électricité qui monte, vous parlez de ça ? Non, mais en Afrique. Si vous voulez, si vous voulez vous sortir grandi de n'importe quoi, vous dites il y a des sujets plus importants, non, je crois. Donc, moi, je m'inquiète plus pour les gens qui meurent de faim. Alors, je vous propose une histoire magnifique. Quoi ? Non, mais je peux pas vous dire mieux. Là, c'est une très belle histoire que je vous offre. Liliane et André vivent tous les deux dans un EHPAD. C'est déjà magnifique. Déjà, c'est incroyable. Beau. Et la maison de retraite a organisé une fête pour célébrer quelque chose. À votre avis, quoi ? Attends, redis. Liliane et André. Ouais, je l'ai vu. Alors, garde-le pour toi. Bien sûr. Liliane et André vivent tous les deux dans un EHPAD. Il y a un petit twist. Et la maison de retraite organise. C'est leur mariage lesbien. Oh là là, très bonne réponse. Tu l'avais vu aussi ou pas ? Mais je me suis dit leur mariage. Quand t'as dit c'est un petit twist, mais André et eux ? Elles se sont mariées car André s'écrit André et eux, ce sont deux femmes. Alors je vous raconte toute l'histoire, c'est un peu long, mais j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'ai envie de raconter tout dans les moindres détails. Essaye pas d'être woke en fait. Pour une. Non. Pour une fois que c'est pas des singes qui s'agressent à coups de couteau ou des gens qui mangent leur merde, je me dis bon, prenons un peu le temps. Célébrons l'amour. Ça marche. Mardi 15 novembre 2022, Liliane et André, deux habitantes de la maison de retraite médicalisée du Val de Lescaut, ont vécu le plus beau jour de leur vie, relate le Parisien. Julie Lescaut, bien sûr. Elles ont 72 ans Ils se connaissent depuis l'âge de 11 ans. C'est dans un foyer d'accueil. C'est dans un foyer d'accueil pour enfants que les deux femmes se sont rencontrées. Camille Étroit, cadre de la maison de retraite, confie aux Parisiens lorsqu'elles sont arrivées chez moi. Camille comment? Étroit. Yes. Zéro. Personne ne fait de blague. Zéro. mais ils sont où? Lorsqu'elles sont arrivées chez nous en 2017, nous ne savions pas du tout qu'elles entretenaient une relation amoureuse depuis qu'elles ont 25 ans. Wow. Dans le quotidien, elle les décrit comme inséparables et précise qu'elles partagent la même chambre et font tout ensemble. Très discrètes et sans jamais montrer de gestes d'affection particuliers, ce n'est qu'en juin dernier qu'elles ont dévoilé leurs sentiments au grand jour. Alors l'histoire est assez folle, c'est après une conversation sur le mariage homosexuel avec l'équipe de l'établissement pour personnes âgées que Liliane et André ont appris la nouvelle. Elles n'en croyaient pas leurs oreilles. Il est bien légal en France, quand on est homosexuel, de se marier. Attends, elles viennent d'apprendre que elles ne savaient pas, c'était en 2010. Il faut peut-être leur parler un peu au vieux là. Le mur de Berlin est tombé, génial. Camille Étroit raconte d'ailleurs à la journaliste du Parisien, ouais, Étroit, ça marche toujours sur Morgane, hein. Les encadrants leur ont assuré, photo à l'appui, que oui, c'était possible, mais elles avaient quand même du mal à y croire. Alors Liliane et André se sont adressés à Camille Étroit, je leur ai dit que si c'était leur désir, nous ferions tout pour les accompagner. Tout de suite, dit-elle, les amoureux se sont sentis libérés et l'ont annoncé à tout le monde avec un immense bonheur. C'était très touchant. Le mariage a été organisé rapidement et célébré dans la joie et au rythme de l'accordéon. Bah encore une fois, c'est de la fierté des nôtres, sûrement. Rof est venu en personne. Laurent. C'est Rof qui les a mariés, je crois. Ouais. Hein. Rof et trois. Surtout que Rof adore les homosexuels. Donc. Marie, leur demoiselle d'honneur de 70 ans, qui les a connus au foyer lorsqu'elles étaient enfants, a dit qu'elle savait depuis toujours, mais qu'elle n'avait jamais rien dit. Le Parisien rapporte d'ailleurs que les pensionnaires et le personnel de l'EHPAD se sont cotisés pour leur offrir une lune de miel sous forme de premier tête-à-tête au restaurant. Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est beau. Moi, j'ai failli pleurer devant cette petite histoire. Oh, si. N'exagère pas. Si. Mais moi, c'est plus ta dépression actuelle. Ah, c'est peut-être lié. C'est quand la dernière fois que vous avez pleuré, d'ailleurs, autour de la table? Bonne question. Ah, ouais. Très récemment, moi, je pense. Vraiment, c'est... Ah, ouais. Bon, non, c'est vraiment quelque chose. C'était vraiment, ce matin. Ah ouais? Ouais, mais un peu de joie, fatigue. Je suis allée courir. Ouais. Et tu sais, après, quand t'as fini. La dopamine, comme tu sais, bah, je connais. L'endorphine. L'endorphine. Et j'étais dans un parc et il y avait des petits jeunes qui se sont lancés dans une chorale. Et en fait, je pense qu'ils font partie d'une chorale parce que vraiment, ils étaient 10 et ils se sont mis à répéter un truc. I can feel et c'était it juste coming. Hyper beau. Ah, et wow. J'étais genre. Mon Dieu, c'est des petits moments de la vie, voilà, à picorer. C'est très joli, mais c'est très joli. J'ai un peu chouiné, une petite larme de joy. Oh là là, c'est très mignon. J'ai vu une vidéo récemment. C'est un mec tout seul dans un parc, assis, qui chante Bon Jovi, Living. Oui, Living on a Prayer. Et il commence tout seul et tout le parc reprend le truc lui. Et bah, très belle vidéo. Ah, ça, moi, ça me. Ouais, c'est comme les vidéos de. C'est sans doute pas prévu en plus, je pense. Ah, gâche tout. Évidemment que c'est prévu. Mais oui, c'est faux, mais c'est joli quand même. C'est comme les vidéos de surprises de soldats GI qui rentrent à la maison. Avec les chiens. Ah, ça me. Non, même avec leurs femmes, leurs enfants. Moi, c'est plus les chiens, moi. Oui, mais en général. Mais c'est toi. En général. Oui, non, mais. Les chiens qui retrouvent leur mère qu'ils ont pas vu. Mais pareil, c'est du faux. Les chiens, ils les connaissent même pas. C'est ça qui est beau avec les chiens. Si tu regardes bien, le chien, c'est le chien de Tintin, il est dressé. C'est pas Gaston Bide. Il y a toujours Gaston Bide derrière ses vidéos. Il tourne la tête. Là. Non, Franck, on voit que c'est toi là. Toi, c'est Gaston Bide dans un costume de chien. La dernière fois que j'ai pleuré. La dernière fois que j'ai pleuré. C'était en 2002, toi. Depuis, t'as pas et pleuré. C'était il y a un an pour un décès. Ouais, ok. Voilà. Ah ouais, il y a un. Putain, mais. Moi, je pleure tout le temps, moi. Ah ouais, ok. Non, mais c'est pour un vrai truc, parce que moi. Ouais, c'est pour un vrai truc. Non, mais parce que. Ça va, les alphas, là? Non, mais parce que moi, je peux pas pleurer. Après, c'est là où je voulais en venir. Après, moi, je peux très bien pleurer devant n'importe quelle merde, même une télé-réalité. Hein. Apparemment, oui, bon. Dès que je suis un peu fatigué, je suis là. Ah bon? C'est là où je voulais en venir, Adrien, justement, avant que tu te fasses passer pour un monstre sans cœur. Justement, moi, je pleure pas sur les graves nouvelles. Sur les annonces de décès ou les trucs comme ça. Par contre, t'en pleure. T'en as pas en même temps. Non, mais. Si, j'en ai eu quelque chose. Mais par contre, je peux fondre en larmes devant un Pixar. Et je pense que c'est lié. Non, mais tu vois, je pense qu'il y a un truc sur les trucs de la vie, non. Et dans un truc un peu autorisé. Ouais, mais ça, c'est la génération déconnectée, ça. Mais surtout, je me disais, tu sais, plus on vieillit, plus on chiale facilement. Hein. Ah, parce que mon père, je me disais, bah attends. Parfois, je le voyais, c'était sur des trucs de films et tout. Je me disais, mais attends, mais il a les larmes aux yeux et tout. Alors, c'est un bonhomme. C'est un rock. Ouais, c'est un rock. C'est rock. En fait, plus on est vieux, plus on est là. Bon, allez, ouais, on peut pleurer, c'est bon. Ah ouais, putain, alors moi j'ai rarement vu mon père pleurer, moi, justement. Il y avait plus un truc de. Moi, je l'ai vu pleurer une fois. Non, mais c'est les petites larmes de. Oui, un peu. Tu lui fais un canon un peu touchant, il est là. Bah, moi, ça fait plaisir. Ouais, mais parce que le monde, il est peut-être devenu un peu difficile. Et enfin, moi, maintenant, je chiale très facilement quand il y a quelqu'un qui a une marque. Enfin, qui fait un truc très gentil. Ouais, qui lance sa marque. Quand Squeezie a lancé Yoko, elle a fait putain, c'est quand même mérité. Et puis le musée Grévin aussi, elle a les larmes. Elle a fondu en larmes. Non, je croyais qu'elle disait des gens qui ont des marques, genre Jean-Luc Reichmann, la petite page de vin, elle a fait oh non. Jean-Luc, ils ont dû se moquer de lui à l'école. Oh non, tous les zizi potes ont dû se moquer. Ah non, des marques d'affection. Ouais. Non, je peux chialer si tu me fais la surprise de venir me chercher à l'aéroport, quoi. Ah ouais. Ah pardon, joli. Tu prends l'avion. Wow. Et tu regardes la Coupe du Monde, j'imagine. Oh, l'avion pour aller au Qatar. Ouais. Mais je fais des allers-retours entre les matchs parce que tout m'intéresse pas. Quand quelqu'un voit que j'ai chaud et qu'il monte la climatisation dans le stade, ça me touche trop. Hein. Et donc ouais, non, Adrien, toi la dernière fois. Ah moi je sais pas. Je te dis, c'est tellement tout le temps. Non que mais une je fois pas... qui t'a peut-être un peu marqué. Non, non, je t'avoue que non. Une non, fois qui m'a un peu marqué, trop bizarre. Non. Plus que tu pleures tout. Ouais, j'étais là genre. Ah moi je pleure souvent, ouais. Mais non, mais parfois c'est vraiment en plus des trucs genre j'imagine mon chien qui est mort et je pleure quoi. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, ça imaginer des enterrements, c'est un truc que je fais énormément. Ah ouais, ouais. Ah, ouais. Et c'est cool. Non mais ouais non c'est assez souvent là je saurais pas dire quand c'était la dernière fois. Non mais moi par exemple, c'est souvent quoi. Moi c'est bizarre parce que je trouve ça un peu ridicule parce que souvent c'est dans des moments presque un peu trop mise en scène. Je sais pas comment expliquer. Genre la dernière fois j'étais en voiture tout seul avec ma fille qui était à l'avant et il y avait la chanson de Souchon merde putain j'ai oublié le titre. Full sentimental. Non, j'ai non, 10 non. ans. Non. Carrément méchant. Qu'il y a d'autres carrément méchant. Vas-y chante. Allez-y. Non Jimmy. Jimmy. Ah oui, bien sûr. Je sais plus. La balade de Jim, je crois. La balade de Jim. Très belle chanson au demeurant. Non, c'est Jimmy Fallon. Professionnel du Blackfest. Jimmy Fallon. Non, la balade de Jim, et c'est une très belle chanson que j'aime beaucoup. Et vraiment, mais j'ai de voir ma fille qui dormait avec la balade de Jim dans la voiture tout seul. T'étais dans ta série, quoi. Mais vraiment, j'étais dans This Is Us, quoi. Il y avait un truc un peu de. Bon, bah, visiblement, je suis le héros de ma vie. Incroyable. Ah, This Is Us. Et j'ai vraiment fondu en larmes pendant toute la chanson, quoi. J'avais un truc de. Et en plus, et pour la blague, c'était en aléatoire. Et après, c'est parti sur Pantera. Je sais pas si vous connaissez. Une autre ambiance. Alors moi j'ai une très bonne anecdote de pleurs puisque donc j'ai vécu une rupture il y a 2 ans et en fait donc quand elle est partie bon évidemment elle est partie voilà paf et le monde s'arrête d'un seul coup tu dis bon ouais, je me barre et tu fais, ah bon et tu te retrouves tout seul chez toi ouais. Je marchais, je faisais les 100 pas, je pleurais, j'étais là waouh ok bon faut que tu te calmes, vas-y mets la télé, regarde un truc, focus tu vois. Et la première chanson sur laquelle j'ai chialé, je suis tombé sur une chaîne musicale, je ne sais pas pourquoi, j'ai allumé la télé et c'était Noël Leroy qui chantait Le Loup, le Rollard et la Belette. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul chez WAM et ça faisait j'entends le loup, le renard et la belette. Et j'étais là, putain. Genre, mais non. C'est vrai que c'était un peu mon loup. J'ai chialé de rage. Tu veux allumer, tomber sur, je sais pas, tu vois. La fierté des nôtres, oui, une fois de plus. Un truc, un documentaire, j'en sais rien. Tu vois. J'étais là, oh, enfer. Moi, j'entends... Adèle, tu vois, de pleurer sur un truc de rupture, tu vois. J'ai entendu ma meuf, moi, en larmes pendant 2 heures. Elle a regardé le truc de la pieuvre, là. Ah oui, l'Octopus Teacher. Il faut que je regarde ça. Des litrons de larmes. Incroyable ce truc. Terrible. Ne spoilez pas. Ah, c'est incroyable. Bah, c'est trop beau fou ce truc. Elle l'a fait que. Mais vraiment, j'étais. Ouais. J'avais mon casque parce que je bossais. Et vraiment, à un moment, c'était plus tout fort. En mangeant une salade de poulpe. Non, mais j'enlève mon casque, je fais. Mais qu'est-ce que. Et je la vois, mais tu sais, vraiment, c'était trop drôle parce que. Elle se retient de pleurer, mais bon, c'est. Tu vois, tu te retiens toujours de pleurer un peu devant un film, tu vois, tu lâches pas tout, c'est juste ça pleure malgré toi, quoi, tu vois. Et vraiment, elle se tourne le visage, mais vraiment un panda, quoi. Il y avait vraiment le visage recouvert de flotte, quoi. Dans l'avion, cet été, j'ai pleuré devant le nouveau West Side Story. Ah oui. Mais genre, j'ai pleuré fort. Ouais. Et l'hôtesse, elle vraiment a cru que j'avais peur de l'avion, que je faisais une crise d'angoisse. Oh non. Non, mais c'est. Voilà. Et bon. Une nouvelle bande-annonce de Mario est sortie, pareil, ah, j'ai oui. chialé. Putain, non, pas du tout. Est sortie la semaine dernière. Vous l'avez vue déjà? Non. On s'en fout un peu de Mario, ça aime bien Mario autour de la table. Ah oui, bah oui, quand ça même. Aime bien Mario, on est curieux de voir. C'est la famille. Il a fixé Guigui de façon étrange. Est-ce que vous savez pourquoi Mario a une moustache et une petite casquette? Oui. Oh, mais il a tout aujourd'hui. Je suis un geek, hein, je rappelle. Je suis un geek et j'ai 42 ans. Est-ce que les jeux vidéo ont ruiné ta vie? Mais heureusement. Il m'en reste 2. Ok, donc ça va. Ouais, bon, non, tout va bien. Bah, je le dis ou bah, je oui, le dis bah, ouais, ouais, bah, c'est parce que à l'époque de Super Mario 1 sur NES, ils avaient très peu de pixels pour faire le personnage et pour voir un truc identifiable. Au lieu de faire un visage où tu pouvais pas forcément voir le nez et tout, bah faire une moustache et une casquette, ça rendait ça donnait un personnage identifiable avec très peu de pixels. Quoi. Exactement. Lui faire un gros nez et une moustache et les cheveux, Alors c'est le créateur Shigeru Miyamoto donne une autre explication. Il dit que c'était juste très chiant à animer. Mmh. Donc il a mis une casquette et comme ça il fait bon bah voilà, comme okay. ça bouge pas et tout. Mais tout a un sens en fait. Pourquoi est-ce qu'il est plombier? Les tuyaux. Les tuyaux. Alors oui, parce qu'en fait le monde, tous les mondes ressemblaient à des tuyaux et même il y a d'accord. les tuyaux où ils s'enfoncent, mmh. mais il y a aussi les toutes les lignes en fait de plateforme en fait mmh. tout simplement. Mmh. Ça lui faisait penser à des tuyaux, le créateur, donc il s'est dit ok, ça sera un plombier parce qu'à la base c'est un charpentier. C'est pour ça que Donkey Kong lui lance des tonneaux dans la gueule. Oh, voilà, les geekos là, je vous donne des petites infos. Les fameux tonneaux de charpentier. Non. Non, mais tu, worldwide. Tu construis des tonneaux quand t'es charpentier. Bah non, c'est plus pour les baraques et les charpentes. Ah quoi. Ouais, je pensais que c'était du bois. C'est donc menuisier du coup, plus ça. Ouais, ouais. Ouais, peut-être un peu plus. Il est peut-être menuisier. Peut-être juriste. Un artisan du bois. Peut-être j'ai très mal traduit un article anglais. C'est très possible aussi. Hein, attention. D'ailleurs, comment il s'appelait Mario à l'époque de Donkey Kong? Je sais, mais c'est parce que j'ai cherché. Oui, oui, bien sûr. Jumpman. Jumpman. Bien sûr. Ensuite, c'est devenu Cassius Clay. Et après, il est devenu Mario. Mario toujours, enfin Mario Kart, ça joue à Mario Kart autour de la table. Oui. Ouais, occasionnellement, mais je suis pas un grand fan. Pas un fan, non. Non, bah il faut avoir des potes. Pas très gaming, Morgane, j'ai l'impression. Pas. Mais, hey. N'est pas honte. Bah, un petit FIFA de temps en temps, quoi. Avec, ouais, avec Fanny. Un FIFA. non, bah, tu sais, fille unique. Et alors bah, justement, en fait. Généralement, non, les gens qui sont. Non, mais souvent, l'impression pour. En tout cas, là, maintenant, on a déconstruit. Mais. Non, mais c'était quand même très genré dans les années 90 quand oui, on a grandi. Et j'ai l'impression que toutes les filles de ma génération, c'est que t'avais un grand frère dans le délire qui avait une console ou qui jouait. Et qui voulait pas que ce qui était pas le cas parce que j'étais atrocement seule. Donc, non, pas trop. Mais un peu la déesse de mon petit frère, la petite route arc-en-ciel. Tout ça. Ah, on ride voilà. tranquillement. Elle a sorti un terme de geekos. Ah oui, c'est donc bon. Oui, fille unique, mais t'as oui, d'ailleurs, recompose man. Mais oui, bien, okay. sûr. Bien sûr. Un couple britannique s'affronte tous les soirs depuis 20 attends, ans. Juste vas-y. Pour Mario Kart, oui, d'accord. Oui. Je me disais, mais attends, pourquoi il nous a posé une question sur Mario Kart? S'affronte sur Mario Kart, non, oui, non, mais... Ah, non, non, mais toi, il est impatient. Ce n'est pas que dans le but de s'amuser qu'ils s'affrontent sur Mario Kart. C'est pour savoir qui fait les tâches ménagères. Alors ce n'est pas ça, mais c'est ma question effectivement pour déterminer quoi. Ils s'affrontent à Mario Kart tous qui les. Qui fait les tâches ménagères tout. Ils s'affrontent tous les à soirs. Mario Kart chaque soir. Tous les soirs. Chaque pour soir savoir que qui va Dieu faire fait. À dîner. Non. Qui dormira sur le canapé car leur couple bat de l'aile malheureusement. Oh quand ça joue à Mario depuis 20 ans. C'est un petit truc sexuel ou quoi? Non. Oh merde. Non, j'aurais trouvé ça hyper bien. Ouais, c'est mon anniv, c'est tous les soirs pour savoir. C'est pour déterminer un truc chiant à faire et c'est un des deux qui doit le faire. C'est pas si chiant, mais c'est une mini corvée. C'est pas si chiant. Payer les courses. Moi je le fais sans jouer à Mario Kart. Ah, se lever la nuit pour le bébé. Non, depuis 20 ans. Bah, il a fait ses nuits très tard. Hein. Il fait des terreurs nocturnes, malheureusement. Carpathe bleue. Il y a ma fille qui parfois se réveille en ce moment. Et j'ai cru qu'elle faisait des terreurs nocturnes. Et donc j'ai googlisé terreurs nocturnes de bébé. Alors rien à voir, c'est terrifiant. Chucky. Ah mais c'est vraiment, ils se mettent assis et ils font. Genre ils se secouent. Là c'est bigard. Ouais. Ah non mais c'est ça, c'est un peu bigard. C'est Chucky quoi. Ah non c'est vraiment, c'est terrorisant. Et c'est vraiment... ça. Non c'est pas ça. D'accord. Non juste elle fait. Et donc j'y vais, je fais bébé, faut dormir. Et je lui caresse un peu la joue, et après je rendors. Ah, c'est pour ça que t'as googlisé, parce que c'était vraiment. Ouais, elle a fait bête. Tu rendors qu'une. Je pense pas. Mais non, mais parce que ça a duré 5 minutes. C'est juste, elle a fait. Ah oui, elle a fait bête pendant 5 minutes. Une insomnie. Le concept de bébé, c'est est-ce que c'est normal ou est-ce qu'elle est en train de mourir? C'est ah toujours oui, une fine oui, frontière entre ce bébé sur un arrêt respiratoire du nourrisson ou c'est juste elle est calme. Et c'est jamais entre les deux. C'est jamais entre les deux. C'est soit normal, soit elle crève. C'est pour ça que t'as un petit matelas au pied du berceau dans le. C'est ça, tu googlises beaucoup bébé. Ouais, plus ouais. 1000 infos. Ouais. Donc non, là, ils ce ont fait. Mais t'es pas très loin. T'es pas très loin sur les tâches ménagères. Pour le petit déj. Non. Oh, qui passe l'aspirateur. Ah, non, c'est pas vraiment une corvée, moi je trouve. Qui descend les poubelles. C'est un couple anglais. C'est une sorte d'indice. Qui fait le thé. Oh voilà. Ah, mais oui, qui va. Sorry faire guys. Il est fort. Putain, et en plus, il parle la langue. Le fish and chips. Comme tous les Anglais ouais. avant d'aller se coucher. Qui prépare le fish and chips. Mais comme nous d'ailleurs, on se fait une petite un baguette petit avant d'aller se coucher. Bien sûr. C'est un cadeau de Noël qui est à l'origine de cette tradition. En 1999, le couple avait offert une Nintendo 64 à leur fils, ainsi que le jeu de course en question, un présent que ces derniers se sont finalement appropriés avec le temps. Bon parent ça déjà. On va la garder en fait la console hein. En répondant à une question des internautes, parce qu'en fait c'est une histoire que le fils a partagée sur Reddit, Louis Vasgelbork a expliqué que le duel consistait à enchaîner un grand prix, championnat de 4 courses, avec 3 batailles. Vous savez les trucs avec les ballons là, les ah oui ah ouais. Voilà. Ils connaissent toutes les astuces, a indiqué l'internaute, si bien qu'ils se sont promis de ne pas prendre de raccourcis ou de tricher afin d'éviter les disputes. C'est ultra mignon. Pardon. C'est un peu mignon. Oh, ouais, c'est mignon. C'est un peu mignon, voilà. Adrien pleure. Nous on fait ça avec JB, figure-toi. Oh. Sur Mario Kart Super NES. Pour le thé. On a une feuille où on écrit à chaque fois qu'on joue et tout. Oh, c'est trop et mignon. Depuis 3 ans. Ouais. Ah, oh là là. Et qui gagne le plus? Bah, vu que c'est je suis à l'antenne, j'ai envie de dire c'est moi quoi. Ouais. Tout simplement. Après, s'il est aussi nul que à FIFA, Ouh à chaque fois que je vois une story, il se fait éclater. Oh, oh là là. Et par Valentin Jean, donc. Et là, si j'entends, là, il est mal. Là. On est en train de clasher We Love TFTC. Aïe. Non, mais c'est trop bien. En gros, on écrit la date, le vainqueur, et après, entre parenthèses, une petite insulte, la feuille est horrible. Très sombre. C'est peut-être l'anecdote la plus masculine que j'ai entendue de ma vie, ouais. Vraiment. Jeu vidéo préféré, chacun autour de la table. Donc, du coup, Marianne, toi, t'es pas très gaming. Wow. Ah là là. Non, et tu t'es pas rangé. Je jouais aux Sims. Bah, les Sims, c'est une très bonne réponse. Moi, j'ai beaucoup joué aux Sims. Ouais, moi aussi. J'aimais beaucoup les Sims. Guigui ? Bah Mario Kart forcément, mais je pense que pendant mon adolescence je jouais grave à Tony Hawk Pro Skater et je mettais juste un monde où tu sais il y avait un truc où tu peux juste entraîner et je mettais du son et je m'entraînais pendant des heures juste à faire des figures. Mais ça je comprends, moi j'avais ça avec GTA, je faisais zéro mission et je me baladais en bagnole. Exactement. J'écrasais quand même des prostituées. Tu skate dans la vie ou pas ? Non pas du tout. Ah yes, ok. Yes. Allez, il y a eu yes de bois. Okay. Quand même un peu ringard quoi. Okay. Allez, ciao. Elle essayait de te trouver une qualité mec stylé. Malheureusement, tu écris sur des feuilles les gagnants de Mario Kart. Voilà. Guigui. <C'est ça. rire> Jean-Baptiste est nul. Ah, c'est ça les insultes. C'est vraiment de la merde. Le 23 janvier, je l'ai battu. Adrien, jeu vidéo préféré. C'est dur. Moi, j'adore FIFA. Oh. Voilà. Pardon. Ah oh non mais t'excuses pardon pas. Les bobos. Ouais. Pardon les bobos. En fait. Je suis un mec du peuple. En vrai le jeu auquel je joue le plus c'est FIFA. Mais j'aime beaucoup la série des Fallout. Les as poncés je crois. Pas le dernier, pas le 76 qui était un peu en dessous et que j'ai décroché. Ok. Et sinon il y a mon jeu que j'adore, qui était un jeu en flash à l'époque, qui s'appelait Fantastic Contraption. Contraception. Ouais. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Pardon. Le jeu nul. Juste tous les soirs, tu dois prendre une pilule. C'est tout. Dès que ton téléphone sonne, tu dois prendre une pilule. Non, en fait, le principe. Alors, les graphismes sont infâmes. C'est vraiment un truc en 2D atroce. Et en fait, le principe, c'est que tu as un petit panel de. Comment dire de. C'est très dur. D'éléments à ta disposition, c'est-à-dire des roues qui tournent dans un sens, des roues qui tournent dans un autre sens, des barres flexibles, des barres rigides. Et c'est tout, je crois. Okay. Et tu dois. Il y a un objet, une balle, que tu dois amener dans une zone qui est à l'autre bout du. Enfin, okay. À un certain endroit. Et en gros, toi, tu dois, avec les éléments qui sont à ta disposition, fabriquer une machine qui va amener la boule dans la zone. Et donc, t'as liberté totale. Okay, et c'est vraiment un truc d'ingénieur. C'est comme une vidéo de la bille, mais la planche qui met le ballon. Ça, oui, c'est tous les films pour enfants de quand j'étais petite, c'est sur les sur la WC. Quand ça faisait le petit déj, tu sais, ça serait. Oui, exactement. C'est ce que j'essayais de dire. Mais c'est pas vraiment. L'explication m'a donné envie de voir la vidéo. C'est comme une vidéo de la bille qui fait la planche et pas la roue et tout. Vous connaissez cette vidéo? Non, en plus c'est pas. Trop de virgule. Trop d'air inspiré. Il mange du skate d'une manière mais immédiate finalement. Là vous. Vous parlez des machines de Rube Goldberg. Je me disais, mais c'est quoi qui dépasse de ses oreilles? C'est son cerveau. Parce qu'il est énorme. Il y en a partout sur la table. Enfin, de mes oreilles qui sont déjà assez longues parce que je suis un zèbre. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est pas des tatouages, il est rayé. Il est rayé. Non, mais là, c'est autre chose. C'est parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on a une zone définie pour construire la machine. On peut pas faire une machine qui prend tout le niveau. C'est trop facile. Donc, la machine, il faut que tu dises alors, attends, je vais faire un truc qui. Alors, soit tu fais une catapulte et tu les machins, mais tu peux aussi faire une machine motorisée qui va aller rouler. Ça a l'air tout, trop bien. Il faut être intelligent pour jouer ça. Extrêmement. Ouais, voilà. Malheureusement. Non, mais pas c'est intelligent, là, mais faut aimer. Non, faut aimer se prendre la tête. Ok, mais c'est limite. Ouais, un truc de logique. Ouais. Oui, c'est vraiment logique, mais construction. D'ingénierie, quoi. Mais il y avait un jeu Star Wars qui reprenait un peu de truc là, ça s'appelait Star Wars Droid. Et tu devais. Le jeu auquel tu jouais sur Twitch. Pendant le confinement sur Twitch. Et en fait, tu devais. T'avais des petites missions pareilles, un peu d'ingénierie, et tu devais créer le droïde parfait. Ah, qui pouvait aller sur les plateformes et tout, parce que s'il était à roues mais pas à jambes, et bah tu pouvais pas faire certains trucs, etc. Donc fallait réfléchir à la conception de ton robot pour faire les petites missions. C'est pas exactement la même chose, mais ça me fait penser un petit peu. Et c'est un jeu que moi j'ai pas mal poncé. Pas mal, pas mal. Sachant que le jeu que j'ai le plus poncé, je pense, c'est le Flipper de Windows, pour être tout à fait honnête. Pinball. Et il y a aussi un jeu que j'aimais bien à propos de la science, c'était Dr Mario. Je sais pas si vous voyez. Mario, je connais. Avec des petites pilules. Ah, je m'en régale. C'est une sorte de Tetris imprenable à ce jeu. C'est une sorte de Tetris un peu, non? Un peu, ouais. Ouais. Voilà. C'est Tetris, quoi. Pas pareil. Tetris. Non, bah c'est pas la même chose. Je joue à Tetris. Dis que j'aime bien Tetris. Après, j'aime bien Tetris. Ouais. Ça, c'est une certitude. J'aime bien. Je trouve qu'on va au fond avec nos invités dans nos interviews. C'est-à-dire que quand les gens finissent d'écouter, ils en ressortent un petit peu grandi d'expérience, tu vois, c'est ça. Il aime Dr Mario et Tetris. Voilà. Bah, après, des... Plus Tetris, quand même. Oui. Puzzle Bubble, tu dis pas non. Il a pleuré sur Winnie l'ourson. Bon. Voilà. Bon, bah. Clyde Howatson, britannique de 64 ans, vit depuis 40 ans au même endroit. Il n'a pas l'intention de déménager. Et pourtant, on pourrait croire qu'il en aurait marre. Au bout d'un moment, à votre avis, où est-ce qu'il vit ? Une cabane dans un arbre. Il vit dans un cimetière. Non. Okay. Sur une frontière, dans un aéroport. Non, comme dans un aéroport, comme dans le terminal. Alors, exact. Avec Tom Hollanx. Yes. Est-ce que c'est Tom Hollanx, la localisation qui est saugrenu ou le type d'habitation? Eh bien, c'est une très bonne question. Je m'en vais de tirer. Il vit dans un bunker. Alors, il ne vit pas dans un bunker, c'est vraiment pas le type d'habitation, mais plutôt l'emplacement. La maison est somme toute très banale. Il y a un truc qui fait énormément de bruit autour qui a été construit. Alors, lui dit que non. Ah, et il a accroché des ballons sur le toit pour s'envoler. Non, ça, c'est le film là-haut. Ah, pardon. Adrien, souviens-toi, tu confonds toujours les dessins animés. Tu confonds toujours les dessins animés et la vraie vie. Tu vas chialer, c'est un Pixar. Allez, chiale. Ah, j'ai chialé au début. Pas mentir. Oh bah attends, il y a sa petite Zouz qui meurt. Je rigole. Ah bah voilà. Trop facile. Il dit que non. Parce qu'il n'entend pas. Lui, il dit franchement. Les odeurs. Non, pas les odeurs. Ah ouais. Truc d'incinération à côté là. Non. Non, ce n'est pas ça. Non, lui, il dit il y a du double vitrage donc j'entends rien. Mais moi, je dis tu veux me vendre une maison ici. Je fais à mon avis, le bruit est chiant. Il y a des rails, il y a des trains qui passent. Aéroport. Pas aéroport. Non, faut que c'est un truc non, beaucoup plus ouf. Des concerts. Pas un stade. Non. Pas des concerts. Un endroit où ils, un endroit Batucada. De l'armée où ils testent des fusils, des trucs comme ça. Non, non, non, non, pas près d'un, pas près d'un. D'un un militaire. Élevage de lynx. Un camp militaire. Hein? Un élevage de lynx. Bah, c'est si bruyant que ça. Hein. Là, c'est terreur nocturne ça. C'est un lynx. Toujours pas le terreur nocturne. Ça me fait toujours plaisir d'entendre ce lynx. Non, pas une boîte de nuit. Boîte de jazz. Le matin, il est un peu casse. C'est vrai que t'es grave cool. Boîte de night. Oui, elle peut pas dire nuit en français. Ouais. Boîte de night. Elle dit a dit boîte de night. Tu fais pas de skate, mais tu vas en boîte de night, bah non. Ok, bon allez. Moi, j'avais pas le temps avec vos jeux vidéo. Ouais. J'allais en boîte de night. Non, mais attends, après les gars, elle a 32 ans, donc c'est pour ça. Boîte de night. Ça me dégue. Mais tu sais qu'il me regarde même pas dans les yeux. Tellement il me méprise. Il y a un côté Bryce de Nice. Il me déteste. Faites quoi ce soir? On va en boîte de night pour mon anniv? Enfin, pour mon birthday. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est très boumeuse. Ah putain. Ah, moi mon birthday, je peux le dire, malheureusement. Bah, j'ai pris des drinks. Ah ouais. Ouais, birthday, je peux dire. Ouf, quoi que. Ouais, si je peux. Il y a un truc que beaucoup de gens se sont mis à dire et que je trouvais hyper ringard, c'était les kids pour dire les enfants. Ouais. Et beaucoup de gens. Oh, les gens ils disent ça? Ah, tu le dis? Ah, les kids, les kidos. Mais j'ai toujours eu chaud. Je suis au millième degré, tout, genre c'est ringard, on ouais, le sait, ouais, tu vois. Ouais, oui, mais il y a plein de gens qui le disent premier degré. C'est comme tous les trucs ringards. C'est qu'au bout d'un moment. Non, mais tu vois, ton mec, tu dis mon boys. Oui, mon boys. Mon petit boys, ouais. Ton chum. Ça fait un peu vieille cougar, mon petit boys. Je me rends compte en le disant, alors mon petit boys. Arrêtez. Et les petits boys, allez voir tata, venez voir tata, venez voir tata en boîte de night. Ça a très mal se finir ma vie. Donc non, cette maison fait du bruit. Non, cette maison n'est pas est tout à fait normale. Hein, c'est ce qu'il y a autour qui est bruyant. Tu ne crois pas si bien dire, Adrien. Ah. Ou alors peut-être que tu crois si bien dire. Il est dans un champ d'animaux. Non. Un zoo. Tu veux dire une ferme par exemple. Oh, non, ouais. C'était pas un zoo. Un camp de lynx quoi, c'est exactement. Ouais. Non, non, c'était pas ça. Arrêtez, faites la paix. Faites la paix. Je peux pas supporter ça pendant cette émission. Dis donc les Capulet et les Montaigu là. Du calme hein. Tout autour. Il n'a pas de toit. Hein? Il n'a pas de toit. Mais si. Ce n'est pas l'habitation, j'ai dit. J'ai dit que c'était. Ah oui. Toi, t'as dit un bowling. Non. Oh. Un mini golf, un bowling géant. Non, est-ce que c'est des gens qui font du bruit? Est-ce que c'est des gens qui font du bruit? Alors, précise ta question. Est-ce que c'est des paroles de gens? Non. C'est des gens qui font une activité qui font du bruit? Oui. Une maternité. Non. Une école. Très bruyante, ouais. Une école. Pas une école. Est-ce que c'est un lieu de travail? Non, ce n'est pas un lieu de travail. Un lieu de loisir. Pas de loisir non plus. De réjouissance. Ouais, c'est joli. Bah, c'était non, pour rattraper la boîte de neige. Donc c'est pas non plus un lieu, un lieu de vacances, de villégiature. Non, mais c'est un lieu en fait. Une rue passante, tout simplement. Voilà. Mais tu t'en approches au final parce que vous ne vous y arrêterez pas. Oula, pas sûr, j'ai vu des négations si, au mauvais c'est endroit, si, je crois. Si, c'est bien. Vous ne vous y ni, c'est bon. Ça marche. Vous ne vous y ni, arrêterez pas. Vous ne vous y ni. Vous ne vous y ni, bah c'est la playlist de Barilla. Vous ne vous y ni. Un péage, tout simplement. Pas un péage, mais on s'approche. Une piste de. Non, t'étais plus tarmac. Une autoroute. Non. Une aire d'autoroute. Non. L'endroit où tu t'arrêtes, tu veux dire. Non, non. Non, on brûle sur le truc. C'est un... Ouais, c'est un truc de passage, c'est comme un passage, péage. C'est un peu une route. Une piste frontière. Sur un pont. Non, pas un pont. C'est un lieu de passage de voiture. Ouais. Que de voiture. Non, voiture, moto. Une piste de course. Non. Si. Un circuit. Je te jure que non. Une Non seulement c'est pas ça, Adrien. Mais Guigui est fan de Tetris, donc n'essaye pas de m'énerver. Son jeu préféré au monde. C'est vrai. Oui. Une douane, mais je vois pas pourquoi. C'est vous vrai. Cherchez des grands. J'ai fait un peu. Des grands axes. Vous cherchez des grands axes. C'est une petite rue à sens unique, quoi. Peut-être des petits axes. Peut-être des trucs qu'on trouve dans des villes, par exemple. Un rond-point, il vit sur un rond-point. Allez là. Au milieu d'un rond-point. Très bonne réponse de Guigui Pop. Ah. Il vit littéralement. Après, c'est une petite ville, c'est pas. 27 minutes. C'est comme il vit littéralement sur un rond-point. Et ben donc c'est vraiment exactement pareil que de vivre au bord d'une route, quoi. C'est vraiment la même chose. Alors sauf que t'es cerné de route. Mais en termes de bruit, il a pas, il a pas trouvé la bonne réponse. Oh, bah, c'était pareil, quoi. Ah non, mais attends, ça va. Tu dois avoir les phares qui se réflexent sur tous les murs de ta baraque et tout. C'est ça. Moi ça, je trouve comme ça. Comme en peu... boîte de. Les phares qui se réflectent de nuit. Et surtout les phares qui se réflectent. Ouais. Vraiment réflecter, qui est vraiment un verbe premier groupe. Elle est bilingue en fait. La charmante maison de Clyde appartient à sa famille depuis plus de 60 ans maintenant. Elle se situe en plein milieu de l'A25 de Rutin, une route très fréquentée au Pays de Galles. Mais cela ne dérange absolument pas son propriétaire. Ce que le sexagénaire aime dans cette maison, c'est qu'elle est un endroit idéal pour observer le paysage idyllique de la campagne galloise. Non. Les vues sont spectaculaires. Sans doute pas. Non, faux. Nous avons beaucoup de chance. La vie sur le rond-point est parfois occupée. Surtout lorsque les petits-enfants sont là, nous n'avons pas à nous soucier des voisins, puisque nous n'en avons pas. Juste des voitures qui passent. Juste tout le au monde. Au bord du jardin. Alors, y a... Le journaliste dit, c'est quand même pas un peu bruyant quand même. Et il dit, mais non, pas du tout. Nous avons du double vitrage. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. Oui, l'été quand tu fais chaud et que tu ouvres la fenêtre, connard. Et la route. Oh là. Attends, Clyde peut nous attaquer pour des raisons. Mauvaise foi, c'est évident ce mec. Il aurait dû être journaliste. Ah, le paysage. Tu es le Léa Salamé de ce podcast. Et, voilà, comment il sort chez lui, putain. Il sort comment de chez lui? Il a un passage piéton sur un rond-point. Non. Justement, il commence. Ultra dangereux. Justement, il dit qu'il adore tu la ville. Tu te gares où? Ça, c'est merde. Vrai, par contre. Tu te gares où, ça? Tu veux dire le Edgar Rive, déjà, l'humoriste? Voilà, du tout. Oh là là là là. Tu te gares où, le chanteur? Le chanteur, bien joué. Donc il avoue, il dit bon, parfois ça a quand même un ou deux inconvénients. Bah, oui, bah, sortir du rond-point peut être difficile. Bah tiens. Après il dit le rond-point est pas si utilisé que ça. Il dit ouais. C'est pas non plus, c'est pas l'arc de triomphe quoi, tu vois. Ouais, c'est pas non plus. Oui. Voilà. L'autre bémol, c'est les chauffeurs livreurs. C'est-à-dire que quand tu commandes sur Amazon, ouais. Etc. Lui, il partage le même code postal que les maisons qui les entourent. Oui, bah, il peut faut falloir plus commander sur Amazon, tout simplement. Et boycotter peut-être un peu. Tu prends l'avion, toi, donc. Aller à la librairie, faire vivre le commerce. Oui. C'est ça. Est-ce que vous êtes essentiel ou pas? Ils vendent 2-3 autres trucs que des livres sur Amazon. Hein. Ils vendent 2-3 autres types d'objets qui ne sont pas malheureusement en vente en librairie. Hey, c'est ton anniversaire. Surtout, c'est ta fête, genre. C'est ça. Est-ce que c'est ta roast? J'ai comme l'impression. Tout le monde commande sur Amazon. C'est vrai. Tout le monde. C'est vrai. Tout le monde. Tu commandes pas sur Amazon? Si, mais, mais j'imagine qu'il y a des gens qui non, font non, pas. Non. Bah mon père le fait pas. Ouais, mais c'est plus. Parce qu'il a pas l'internet. C'est ouais, rien. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment voilà. Littéralement ça. Est-ce qu'il ressemblait à quoi vous votre premier appartement tout seul quand vous avez quitté le domicile bien, familial? C'est mon actuel. Non, mais après avoir quitté la famille, après avoir quitté. Oui. C'est mon premier appart seul. Oui, mais t'as tout de suite vécu. Non, mais même avec ta avec ta compagne. Ah d'accord. Oui. Le premier appart. En fait, la première fois que tu as vécu. Sans la maison familiale, je voulais poser comme hors question. Hors du cocon. Hors du cocon, exactement. Comme un petit papillon que t'es, en fait. Envie d'attacher un petit mur, là. C'est vrai, punaise. C'est ouais, épinglé. Morgane moi, c'était un studio de 18 mètres carrés à Porte de Versailles que j'ai gardé 5 ans, de mes 17 à mes plus 5. Quoi. Tu y étais bien? J'y étais bien, ouais. C'était porte de Versailles, donc j'étais pas vraiment très à côté de chez mes potes. Ouais. Donc je prenais beaucoup de taxis. T'avais quel âge à ce moment-là? 17, le premier. 17, oui. 17 ans, tu vivais seul déjà. Ouais. Putain. Et alors, à quoi ressemblait la déco de chez Morgane Cadignan à 17 ans dans son appartement étudiant? Y avait-il un poster de Trainspotting et de Pulp Fiction? Il y avait beaucoup de trucs en noir laqué de chez Ikea là. Ah oui, oui, dire, oui, les ouais. Tu veux dire New York, les petits cubes, ah, oui. Les Calax. Il y avait New York en noir et blanc avec non, un taxi jaune. Non, il y avait un paravent London Calling avec une cabine téléphonique rouge et le reste en noir et blanc. Ah, bien sûr. Ah, tout de même. Voilà, il y avait du petit photophore d'inspiration marocaine. Il y avait un attrape-rêve. T'es citoyenne du monde. T'es citoyenne du monde. Le monde est ma maison et le ciel est mon roof. Et il y avait une grande affiche parce que je suis fan de Michael Jackson. Et il y avait une immense affiche de This Is It sur la porte avec tous mes potes qui ont écrit des mots et consigné, ça c'était cool, je l'ai perdu entre les déménagements et il y avait surtout beaucoup de solitude. Bah attends, tu peux retourner, il y a une boutique pas très loin, on peut dire que la boutique elle est pas très loin chez toi. Oui, on peut dire qu'elle est pas très loin. Il y a la boutique du fan, mais elle ferme. Alors, non, il a rouvert. Non, parce que j'avais dit effectivement, et alors je suis content qu'on en parle, parce que j'avais dit qu'elle avait fermé, parce qu'effectivement pendant 6-7 mois c'était fermé. Bah il a rouvert. Ouais. Oui, il est revenu comme un phénix. Je peux pas. Enfin maintenant j'ai changé de découpe. Ouais. Puis Michael Jackson, je pensais que c'était le fait qu'il était pédophile, mais non, d'accord. T'as dit quoi? Je pensais que c'était le fait qu'il était pédophile, mais non, c'est que la déco, c'est pas compatible. D'accord. C'est que j'ai des succulentes maintenant. On comprend pourquoi elle a pas partagé son Spotify Wrapped. C'est Michael Jackson, Noir Désir, Kanye, Louis Alliot, Roman Polanski. Ce qui est très bizarre, parce qu'il a fait très peu de chansons, mais elle l'écoute en boucle. Pour abîmer ça. Allez. Oh waouh. D'ailleurs, en parlant de trucs à préciser, est-ce que tu peux dire deux mots sur mon cadeau? Très bien. Et après, on parlera des Power Rangers. Ça fait deux émissions que... C'est vrai. Alors, j'ai une histoire. Bon, après, on reprendra quand même. Oui, ouais, je veux savoir les apparts des gens. Parce qu'on se moque de moi. Mais à chaque fois, on oublie. Ça fait trois émissions qu'il dit, il faut que je le dise. C'est vrai, t'as raison. Je vais mettre les points sur les i. T'as raison. On a fait l'Olympia. Et en plus, ça tombe bien parce que vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière. Oui, mais on le saura. On a fait l'Olympia. C'est rempli à une vitesse folle. Enfin, bon, bref. Incroyable. Avec Audrey Pierrot aussi, moi aussi. Avec Audrey Pierrot aussi, moi aussi. Lucas Pastor, Big Flo, Cyprien. Enfin, il y a eu un casting fou. Le directeur de Pierre nous a dit on n'a jamais vu ça depuis Jacques Brel. Enfin bon, c'était incroyable. Ouais, c'était trop bien. J'étais pas invité, mais après, on a invité très peu de gens au final. Hein. On a invité très peu de gens. On a préféré que le public vienne. Oh, mais je comprends. Copains. Non, mais en fait, parce qu'ils payent. Ah, bah ça, c'est. Donc, l'enregistrement se termine, le spectacle se termine, et moi je pars un petit peu plus tôt qu'Adrien, parce que vous connaissez Adrien, il aime la teuf, il est parti pour prendre de la coke, un boîte de night, la night, exactement, la boîte de night, la coke. Moi je pars un petit peu plus tôt. La blague, c'est que c'est l'inverse. Donc je sors un petit peu plus tôt, et je tombe sur une personne qui a assisté au spectacle, et qui me dit. Est-ce que Adrien va sortir bientôt? Ce qui est déjà humiliant, mais admettons. Okay. Non, mais bref, et qui me dit merci pour le spectacle, c'est cool, enfin personne adorable, et qui dit quand est-ce qu'Adrien sort? Je dis ah bah je sais pas, là il est avec les gens, les invités, donc plein de gens sauf Guigui, bref. Voilà. Oui, bien sûr. Et elle me dit ah bah alors je sais pas si je peux rester, donc est-ce que je peux te donner un cadeau que tu lui donnes après? Et bien sûr je le fais avec plaisir, mais le problème c'est que moi je suis allé au resto avec ma meuf derrière et que j'ai oublié le cadeau dans le resto et que quel après resto je vous passe les détails, le resto en face de l'Olympia, la taverne. Alors là tu te dis ah merde, ah tu l'as oublié au resto. Oui, mais il l'a récupéré et il l'a reperdu et je l'ai récupéré. Et je ne sais pas où je l'ai foutu. Voilà. Donc on m'a offert un cadeau partout. Et Flaubert, par jalousie, fait croire qu'il l'a. Donc j'avais fait un appel à témoins de que cette femme. On le fait aujourd'hui. Alors déjà, je présente mes excuses à cette personne. Parce que du coup, je ne sais même pas ce que c'est. Le et cadeau, je ne sais pas non plus. J'ai évidemment pas ouvert le truc. C'est un truc qui aurait changé ta vie. Donc je ne sais pas. Donc je présente mes excuses à cette personne. Voilà, je suis désolé. J'en profite pour dire que tous les autres cadeaux qui ont été trop bien, donc ça aurait été sans doute trop bien. Dont le flan à Rennes. Ah oui, mais non, mais c'est incroyable. Délicieux. C'est un flan vegan, je crois, non? C'était pas ça? J'espère. Non, mais voilà, donc je m'excuse auprès de cette personne. Vraiment, je présente mes excuses. Mais par contre, j'avais raison sur les Power Rangers. Voilà, on a chacun un tort partagé. Et un petit truc à propos de ça, parce que tu disais, t'es sorti, on t'a dit, il est pas là, Adrien, il est déjà sorti, etc. Très humiliant. Et ben, figurez-vous que j'étais à Cannes avec JB à la soirée de la quinzaine, et quelqu'un me voit dans la foule et dit putain, JB! Et je fais. Je me retourne, il fait ah non, t'es l'autre! Et après, et après il s'est barré. Même pas de. T'es l'autre, ça me t'es plaît l'autre. Beaucoup. Michel, t'es l'autre. Michel, t'es l'autre. C'est un petit truc qu'on retient, quoi. C'est toujours. T'es l'autre. C'est vraiment bien. T'es l'autre. Je lui dis, t'as pas un cadeau pour moi, non? Okay. Dans les trucs un peu humiliants comme ça, moi, c'était un Japan Expo. Je le perdrais volontairement. C'était Japan Expo de l'année de Suricate, mais donc juin, donc déjà, c'est plus du cul. Je sais pas si j'ai déjà raconté, bon, excusez-moi allez, si j'ai allez, déjà allez, raconté. Allez, là. Mais je... donc ça pue du cul avec Suricate, mais on est à Japan Expo, d'accord? Donc moi, à ce moment-là, c'est mes derniers instants avec Raph, Vincent et Julien. Et il y a des gars qui prennent quand même des photos de nous quatre parce qu'à ce moment-là, bon, bah, c'est pas encore acté que je me casse. Et il y a un gars qui demande une photo des trois et qui me fait « Est-ce que tu peux prendre la photo ?» Ce qui est déjà très agréable, mais, très c'est, bien, mais c'est pas le pire. Il me dit « Mais pourquoi tu traînes tout le temps avec les suricates en fait ?» Wow. Et là, je me suis dit « Si je pars, pas tant de gens que ça vont être blessés par la situation. C'est peut-être que c'est pas si grave si je suis viré de ce groupe. Oui. Voilà. Mais pour l'ego, à ce moment-là, quand t'as. Parce que j'avais 22 ans, faut 21 ans. Avoir, hein. Ça te fait un peu redescendre. Tu dis, bon, bah écoutez, va falloir travailler. Va falloir travailler. Oui, mais c'est ce que je dis souvent. Hein. Ça a été le meilleur truc ma vie, c'est de me faire virer de ce groupe. Hein. Parce c'est que. Bah, déjà, on a fait le podcast avec Adrien. Et vraiment, ça t'apprend à te dire bon, bah rien n'est acquis quoi, faut vraiment rien lâcher tout le temps quoi. Mais oui, moi j'en ai 1700 quoi. C'est... Des trucs d'égo de... Bah non, mais dans le stand-up, dans le stand-up, tu traînes, enfin, t'es forcément pote avec des gens plus, qui font du stand-up, mais plus connus, dont tu passes pour l'attaché de presse en permanence. Ouais. Toi, marcher avec Guillermo Guise ou Crédville dans la rue, c'est vraiment. C'est ça. Et eux, ils sont hyper mignons, genre, vous connaissez Morgane Cadignan, elle est humoriste aussi, elle est formidable. Et c'est encore plus humiliant, t'es là. Ta gueule, vraiment, fais-moi horrible. Passer pour ton agent. Parce que ça... Moi, c'était avant-hier, sur un tournage. Alors, bon, si la personne écoute, il n'y a pas de problème. Et juste, elle m'a dit bon, je vais faire un peu la fangirl, mais je voulais te remercier pour franchement.org. Pas du tout. Et moi, et comme un con, je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais? J'ai dit ah ouais, ça fait plaisir, merci. Oh la vache. Oui. Ah non, mais j'en ai une, comment ai-je pu l'oublier? C'était une avant-première de cinéma où il y a vraiment beaucoup de gens du cinéma français. Et je suis souvent habillée en full noir. Ouais. Donc j'avais cette full jupe night. Et full black. Et il y a quelqu'un qui m'a simplement demandé si on allait bientôt ramener le sucré, quoi. Ouais, putain. Et oui, voilà, elle est belle celle-là. C'est pas celle-là, quelqu'un de connu. De quoi? C'est quelqu'un de connu, c'est encore plus. Non, c'était quelqu'un de connu, mais qui avait quelqu'un de pas connu, mais qui avait vraiment la plombe, quelqu'un qui a gagné 4 Oscars en plus, quoi. Ah, waouh. Un youtubeur. Voilà. j'ai pour le coup ramené le sucré, quoi. Oui, ouais, ouais. Maintenant qu'on était là, tu restes très poli. Exactement. Écoutez, je vais le chercher puisqu'on a faim. Voilà. Non, pas plus. Ah la vache, qu'est-ce que c'est drôle. Dans la même histoire, alors ça me concerne pas moi, bon, je demanderai à la personne si j'ai le droit de raconter. À une époque, Frédéric Lopez rencontrait des gens d'internet pour faire une émission. Et il rencontre beaucoup de gens d'internet, mais c'est quand même beaucoup. Enfin, il connaît vite fait quoi. Ouais. Tu sens qu'il le fait parce qu'il se dit bah, faut des gens jeunes. Ouais. Et c'est normal, tu vois, c'est une très bonne façon de penser, mais il a pas digué internet quoi. Et il reçoit Vincent Tirel et il ne lui parle que des sketchs où il y a Nicolas Bernot. C'était moi. Mais attends. Non, sûr que c'est moi qui l'a. Et il dit. Alors, moi, il y en a un que j'adore, c'est Vincent Tirel. Et il me dit là, le sketch avec Superman et tout. Je fais non, c'est Nicolas Bernot. Et en fait, trois fois, il m'a cité des trucs de Vincent Tirel. Et à chaque fois, c'était Nicolas Bernot. Il dit ah ouais, putain, mais je suis trop con, moi, et tout. Il fait, non, mais le visiteur du futur. Parce qu'à l'époque, c'était. Ouais. C'était la, je sais plus quelle saison où il y avait Bernot. Il y avait Bernot. Il dit ouais. Ah ouais, mais je suis trop con. Ah, ça fait deux fois que je confonds, hein, le mec et tout. Non, mais le visiteur du futur, c'est Vincent Tirel. Je fais non, c'est Nicolas Bernot. Alors pardon, on a fait un... mais c'est le podcast, on a fait un grand virage. Ouais, petite digression. On parlait des appartements. Parce que Morgane nous a parlé de son appart. On a très de merde. Envie de savoir comment c'était chez Guigui le avec cette grande chaise de avec gaming un et... poster pardon Metallica. Et je suis sûr. Oh le métal. Pas de skate en tout cas, parce qu'il en fait pas. Ça devait bien des bonnes traces de sperme sur son matelas déjà, je pense. Et le nom. Allez. Guigui. La boîte de Kleenex. Guigui. Kleenex, tu rigoles. Bah décrivez-le à ma place, sinon je sais pas comme vous voulez. Alors, après ça, Metallica, des traces de sperme. Et bah, figurez-vous que pas du tout. Jackass. Pas du tout. Non, j'ai eu de la grande chance, c'est que mon premier appart, il était déjà super bien, puisque. C'était meublé. Mes parents, ils étaient à Paris Habitat, à l'Opac, je sais pas quoi, et ma mère, ils sont partis à la retraite, et elle a dit bah, on va pas laisser notre fils dans un 5 pièces. Elle les a, comment dire, harcelés, tu vois, ouais. Pour dire faut trouver un appart à mon fils. Ok. Trop bien. Très mère stylé. Polonaise, qui lâche rien. Ils en pouvaient plus à la fin, ils ont dit bon, bah voilà, bon, on a un 2 pièces pour lui. Et du coup, j'ai eu un 2 pièces direct. Putain, ah, c'est stylé. De 42 mètres carrés avec un prix parfait. Défiant toute concurrence. Bah, c'était Paris Habitat, puis j'avais des comment, des aides, je sais pas comment, des APL. Des APL. C'était dans sûr, quel quartier ce prix? C'était dans le 15e. Où ça? Métro Volontaire. Ah, bah ouais. 42 mètres carrés avec très les APL. Très bonne chose dans la 275 euros. Ah ouais! C'est très énervant! Ah, et les gens ils étaient là, mais qu'est-ce que tu fous dans le 15ème mec? Je disais, ouais, t'inquiète! c'est gavé sur le dos de l'État français quoi, c'est ça? Et ouais, non mais du coup c'était trop bien, et j'ai eu grave de chance, et du coup en fait j'ai emménagé direct avec ma copine de l'époque. Oh. Donc j'ai pas vraiment vécu tout seul, et au niveau de la déco c'était effectivement Ikea noir, bien sûr, genre, qui prend bien la table basse noire. Oui, ah, la classique. La célèbre! Un peu noir et rouge. Ça marche pas très bien. Avec le plateau en dessous? Ouais, voilà, et après une fois que. Des Kallax? Des Billy? Des Billy, des petites Billy. Une fois que j'étais plus avec elle, la déco ne voulait absolument rien dire. C'est-à-dire parce qu'elle collait des trucs au mur avec, avec son visage au milieu. Ouais, voilà, et des fléchettes. Ouais, ça voulait. C'était une sorte de garçonnière avec des trucs qui traînaient au sol. Enfin, ça voulait rien dire. Toi, voilà. Toi, Adrien. Bah moi, c'était l'appart de mon ex. Ouais. C'est elle qui habitait là et moi j'ai emménagé. Donc c'était plutôt elle, sa déco. Mais c'était oui, c'était totalement sa déco. C'est une très bonne phrase de Jerry Seinfeld. Il dit. Toutes les meufs pensent qu'elles sont douées en déco, mais c'est pas vrai. Et tous les mecs croient qu'ils sont drôles, et c'est pas vrai. ça s'est vérifié. Alors qu'on est tous ni l'un ni l'autre. Ça s'est vérifié. Putain, bah, je suis déçu. Moi, c'était comme rien. Moi, j'ai eu un appart vraiment étudiant, studio, tout seul. Et alors moi, pour le coup, c'était t-shirt. Oui, cela dit, t-shirt qui traîne par terre. Oui. Mais poster de Nirvana, enfin tu vois. Voilà, ouais. Moi j'avais pâte à fixer. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, la pâte à fixer, c'est ça. C'est pourquoi? Quel est le problème? Mais tu m'as fait un petit. Non, j'acquiesce. J'ai un personnage de mec qui acquiesce beaucoup. Ouais, c'est ça. Voilà. Et pâte à fixer les billets, les tickets de cinéma, les billets. Ah, les billets d'un dollar de ton voyage. C'est ça, les billets. Un livre Starling. Ah, bah ça, c'était ma chambre. Ça, c'était vraiment la déco de ma chambre quand je vivais chez ma mère, parce que je buvais beaucoup de thé et je punaisais les sachets. Mais t'étais déjà un putain de déglingo. J'étais un délireur. Déjà dans la night, quoi, le gars. Putain, j'ai une photo d'ailleurs où on voit ça. Et j'avais le papier peint infâme parce que c'était une vieille maison qui était à mes grands-parents. Il y a du crépi sur le. Non, mais c'était du truc de à fleurs, floral, mais des années, voilà. Je dégueule dans ma bouche. Un poster de Body Moving des Beastie Boys. Pas mal, celui-là. Attends, quand même, c'était stylé. Ouais. Et des sachets de thé punaisés au mur. Je peux la retrouver. Ouais, la photo est sur mon Instagram avec les lampes fusées et un poster des Rois du Monde avec Damien Sargue, Philippe Davila et Grégory Baquet. Voilà, pour si vous voulez. Ah, bah alors attendez, moi je pars sur un virage. Chambre d'ado alors. Bah toi, il y a la cabane à branlette déjà, Flo. T'as dit quoi? Sa cabane à branlette. J'ai une cabane. La cabaret branlette, ça ouh. Bah c'est Patrick Sébastien, c'est le cabaret branlette. C'est le cabaret. T'avais une cabane à branlette. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que enfin il y a cette fonction sur iOS? Est-ce que parce que vous savez que maintenant on peut copier-coller du texte dans les images et tout, mais ça veut dire que on peut chercher du texte dans les photos. Si vous avez pris vous avez une photo, vous savez que c'est la gare de Lyon, vous cherchez gare. Et comme il a, s'il y a marqué gare, il va te montrer toutes les photos où il y a le mot gare. C'est mi cool, mi flippant. Mais c'est trop bien. C'est, bah non, c'est juste, quoi. C'est juste de l'analyse de texte, c'est un pas. Peu ça. Moi, ça me glace le sang, moi. On a une vitesse. Non, mais c'est ultra pratique. Non, mais parce que ma reco du Floodcast d'il y a je sais pas combien de temps, c'était une app qui faisait exclusivement ça. Ouais. Et maintenant, c'est intégré à iOS. C'est trop bien. Excuse-moi, tu es une marque de Big Fleury. Tu es visionnaire. Oui, voilà. D'ailleurs, on m'a signalé que j'avais. Dans un vieux Floodcast, la question était qui est entré au musée Grévin, et j'avais dit Squeezie. Maintenant c'est la réalité en fait. Ah ouais, oui, il est rentré au musée Grévin. Évidemment. Bravo le Squeeze. T'es les Simpsons en fait. Ah, je suis les Simpsons. T'es les Simpsons, tu vois l'avenir. Bravo le Squeeze. Mais personne en fait. Personne n'appelle le Squeeze. Comment ça se fait? Non mais qu'il lâche des trucs qui partent dans la stratosphère. Tu l'as vraiment fait. Mais c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et ça passe tellement pour un truc propre. Il l'a fait comme un animateur des 90s. Bravo le Squeeze. Bravo le Squeeze. On a écouté Uba Stank, The Reason. On se retrouve avec l'horoscope. À premier degré, j'adore cette chanson. Moi aussi. Incroyable chanson. Et le clip, le vol de diamant. Ah ouais, non, c'est incroyable. Mais la seule chanson d'Uba Stank. C'est difficile. Je connais pas. Deuxième. Bah oui, voilà, c'est ça. Oui, vos chambres d'ado alors. Voilà. Alors, la chambre d'ado, figure-toi que pour le coup, j'étais très orienté métal, hardcore, etc. Du coup, il y avait des posters partout. Mais par contre, j'avais pas le droit. Mais pas facile à trouver, attends, des posters de métal hardcore et tout. Dans Roxanne, tu sais, des trucs que tu prends dans les magazines, etc. Oui, bien sûr. Donc, il y avait toujours des trous au milieu du poster. Parfois, c'était juste une photo qui faisait une page et tu sais, j'y collais, j'en mettais partout. Et j'avais un drapeau de Rage Against the Machine. Oh, pas mal. Au milieu de la piole. Avec Che Guevara. Non, avec un point serré rouge. Oh là là. Bah, désolé. Mais non, mais bon. Tu détruis le système. Oui, j'ai détruit le système. Bah, voilà. Il y avait écrit anarchie sur ma trousse, donc tu m'excuses. Au Tipex, mon gars, je suis pas. Et j'avais une veste militaire où j'écrivais au marqueur les noms des groupes que je kiffais. Waouh. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. J'ai fait ça. Aussi. J'ai fait trembler 2-3 gouvernements, quoi. De principauté. Vraiment. De petits pays. Il y a écrit Marilyn Manson sur ma veste, mon gars, je peux te dire que. Putain. Ça filait droit. Elle sait qu'il écrase des poussins sur scène. Hein. Hein, ils sont au sus. Et ils sont au sus, hein, ils s'enlevaient deux côtes, le mec. Et il y avait des posters, j'avais pas le droit de mettre, puisque ma chambre, c'était la pièce de l'appartement où ma mère gardait des enfants, puisqu'elle était assistante maternelle. Ah, du coup, ils étaient gardés avec des posters qui étaient à la fois cool, mais pas trop vénère. Oui, tu pouvais pas mettre Cannibal Corpse ou des trucs comme ça. Exactement, j'ai pas le droit. Ouais. Putain. Voilà. Moi, j'ai partagé ma chambre avec mon frère pendant très longtemps. Et en fait, ce qui était très bien. Ouais. Non, c'est nul. C'est vrai. Bon, non, parce que. On revient à la cabane à branlette. Non, pas ado. Ah, oui. Bah, jusqu'à mes 15 ans, je pense. Ah ouais, relou. Et en fait, et à un moment, ce qui était trop bizarre, c'est qu'on avait largement une pièce. Je comprends pas comment mon cerveau n'a pas dit, mais excusez-moi, cette pièce qui est la salle de jeu. Pourquoi ça ne devient pas ma putain de chambre? Bah ouais. Et au final, c'est devenu ça, mais j'ai mis 15 ans à me dire, mais en fait, ça peut être ma chambre. Mes parents, ils m'avaient mis une bonne douille, j'avais dit, ouais, c'est relou, il y a tout le temps. Parce que du coup, ma mère, elle bossait dans ma chambre. Du coup, il y avait genre un téléphone dans ma chambre aussi, donc c'est chambé. Mais en vrai, ma soeur, elle prend les appels dans ma chambre. Ouais. Mon père, il y a une télé dans ma chambre, il regarde la télé dans ma chambre. Il y avait des shots dans ma chambre. Il y avait des shots dans ma chambre. C'était pas ma chambre. Et par contre, il y avait juste ma déco un peu. Et j'avais dit, bah, je peux prendre la chambre des parents, du coup. Parce que du coup, vu que vous servez juste pour dormir, etc., elle fait bah ok, on switch les chambres, mais on change pas la déco. Je dis, bah. du coup, c'est une douille. Parce que c'est pas du tout ma chambre. C'est à l'hôtel. Et puis, c'est un précepte très relou. Pourquoi elle était importante? C'est quoi le problème? Parce que c'était la pièce la plus grande. Ah. Ma chambre. Alors, j'avais la plus grande, mais du coup, il y avait tout le monde dedans, quoi. Putain, bon. Relou. Ouais, relou. Non, moi, c'était les posters de films, de Ciné Live. Ciné Live, il y avait toujours des posters à la fin. Donc, il y a eu du Kill Bill, il y a eu du. Oh, ça va. Non, ça va, c'est pas honteux, franchement. Non, mais c'était pas trop honteux. Les posters. Le premier album que j'ai acheté, c'est honteux par contre, c'était l'album de Koé. Ça va. Ah, yes. C'était pas dingue. C'est qu'il y avait Clara Morgan sur la couve. Ah, j'avais acheté le CD du Festival Robles, moi aussi. Oh, c'est une autre génération. Ah, bah, oui. Bah, tu sais, c'est un peu nos parents, hein, le Festival Robles. Parodie de Macarena dans ma caravane. Ouais. Bah, on connaît. Aïcha Hacha. Il y a Tchoum et tout. Elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. Comme un bon vin. Oh là là, c'est délicieux ça. Donc toi, les rois du monde, putain. Ouais, de la lampe fusée, une unité centrale de la taille du Mexique, des dauphins. Des dauphins. Des posters plastifiés aussi, avec du dolphin. Dauphins. Et ça, c'était tout à côté de la chambre avec Lindsay Lohan, les petits amoureux de l'époque, Jack Sparrow en taille humaine. Évidemment, toujours Sparkle. Problématique, hein, Morgane, attention. Hein. Toujours. Et on flirte toujours avec la limite. Et de l'autre côté, pour se racheter quand même une petite street cred de l'origine antillaise, une immense tenture de Bob Marley. Ah, bien sûr. Voilà, alors que je touchais pas un joueur de Louis David, évidemment, mais c'était cool, man. Non, bah. D'ailleurs, c'était pas que cool, c'était cool man. C'était cool, ouais, man. C'était cool man. Et bien sûr, on avait des housses de couette avec un peu de chevaux qui galopaient, galopaient sur l'oreiller. Oh l'horreur. Couché de soleil, c'était très mélangé. Mais c'est ce moment adolescent un peu nul où il y a vraiment un mélange d'enfance et de je veux être adulte. Ouais, et il y a des trucs qui se mélangent pas bien. Moi, j'avais un oreiller Toy Story et je l'ai gardé longtemps. Et à un moment, à 15 ans, tu dis Qu'est-ce que je fais avec cet oreiller Toy Story? Ouais, mais sauf qu'après, quand tu deviens adulte, tu dis oh, là, j'ai récupéré un oreiller Mickey que j'avais. Je l'ai gardé chez moi maintenant, tu vois. T'es un bébé en fait. Ouais, je suis un bébé, ouais. Un gros bébé, quoi. Moi, je joue à Tetris, quoi. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, attends, mais. Parce que on n'a pas dit le premier CD. Et ça m'intéresse. Ah, premier CD de Morgane Cadignan. Single ou album? Colonel Rayel. Je veux les deux, tu sais quoi? Je veux les deux. Alors, single, mon bon compère. Allez, les bleus. Oh. De Johnny Hallyday. Ah ouais. Ensemble. Qui s'appelle Ensemble. Ouais. Ensemble. Ouais. Elle est bien celle-là. Elle est champion des tout. Donc voilà. La première, c'est celle-là. Et le premier titre, Allez les Bleus. Et deuxième single, Allez les Bleus Remix. Normalement. Comme tous les singles. Instrumental. Bref, deux titres. Ouais. Et le premier album, je sais plus si c'est Gourmandise d'Alizé ou si c'est l'album de The Corrs. Il s'appelait Il s'appelait Gourmandise, l'album d'Alizé. Ah, j'avais oublié que c'était autant. Gourmandise et les courants électriques, le deuxième. Mais Gourmandise, ouais. Putain. Toi, voilà, premier album. Le rose où elle est dans l'herbe là. Bah oui, je vois. Mais j'avais oublié que ça s'appelait Gourmandise. Premier album. Moi, le premier album, j'en ai eu deux d'un coup. J'avais acheté le coffret Dance Machine 1, 2, 3. Ah. Parce que je suis vieux. Et en même temps, j'ai acheté le premier album de Rage Against the Machine. Pas mal ça. Ça va, c'est pas ridicule. Ah non, pas du tout ridicule. Moi, j'ai des goûts très. Contrairement moi, c'était à ton physique. Bah, et du coup, quand il n'y a aucune valse à part. vraiment, genre. Ah bah, c'est bien ce que t'écoutais. Bah, t'es moche en fait. Eh bah, ok, bah allez, bah yes. Il n'y a plus rien en fait. Il n'y a vraiment plus rien. On sent que le boîte de night n'est pas passé encore. Ouais, le boîte de night à la main. Il est dans la glottasse là. Ouais, moi c'était Koé parodie et Best of The Offspring également. Voilà, il y avait un pied dans les deux. Il y avait toujours le rire et le rock. C'est vraiment du rire et chanson en fait. Moi, écoutez, du rire et du rock, c'est moi. Évidemment. Alors je sais pas si vous avez pu passer, mais Emmanuel Macron, notre président de la République, Adrien, un petit commentaire. J'aime pas trop. Il aimerait développer les RER dans plusieurs villes de France. Mm-hmm. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. En plus de Paris. C'est une bonne idée, comme ça on sera énervé partout. Et ben il faut savoir qu'à la création du RER, une boulette a failli ridiculiser ce moyen de transport à tout jamais. À votre avis, Diams? Oui, voilà, oui, Diams. Diams, Diams n'a rien fait dans le RER. Une boulette a failli ridiculiser ce moyen de transport à tout jamais. À votre avis, laquelle? C'était un truc dans le dans l'acronyme. Ouais, oh exactement. Ce que ça s'appelait la caravane ultra linéaire. Ça faisait Q. Alors, caravane ultra linéaire. Ce sera le titre de l'épisode, malheureusement. C'est exactement la bonne réponse. Alors, la bite, ça faisait. Ça faisait pas la bite. Imaginez dès 1936, mise en route en 1965, ça a quand même mis un peu de temps, inauguré il y a 45 ans, le 9 décembre 1977, voilà, je vous balance des chiffres, par Giscard d'Estaing, le fameux réseau francilien aux trois initiales a failli en avoir 5. Car à la base, le premier tronçon avait pour objectif de relier Paris via la station Charles de Gaulle Étoile pour relier le quartier d'affaires qui venait d'ouvrir à l'époque, La Défense. Son nom initial était alors Métro Express Régional Défense Étoile. Putain. Non mais c'est quelqu'un qui a fait exprès, c'est sûr. Non, ça a mis des années et apparemment, alors la petite histoire. Sûr que la personne. Je pense qu'Adrien va dire que c'est faux, mais voyons. Je suis pas loin. Ce serait le designer du logo qui avait fait ressortir les acronymes, qui dit excusez-moi, ça fait merde, et qu'apparemment pendant 20 ans personne s'était rendu compte. Mais tu sais, quand t'as la tête dans le guidon d'une création de trucs, vraiment parfois ça vient de quelqu'un d'extérieur de voir. Mais je suis d'accord. Adrien a un avis. Par exemple, je pense que c'est une fausse anecdote. Donne un exemple pour étonner. Par exemple, j'ai une bite géante tatouée dans le dos et je voulais faire l'excuser. Ça fait une bite. Comme le logo des JO, non, c'est un clito, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais j'ai pas d'exemple précis, mais ça arrive. Ça peut arriver. Ça va. Tu sais, quand t'as la tête dans le guidon. Elle a vraiment dit ça. Tu sais, quand t'as la tête dans le guidon, parfois, ça vient de quelqu'un d'extérieur. La roublarde. Ça vient de quelqu'un d'extérieur. Mais du coup, tu parles de quoi? Non, mais je veux dire, ça arrive, quoi. C'est parfois, quoi. Sans doute. Tu sais, parfois quand t'es en pleine création, tu parles d'un exemple précis. Non, je veux dire, ça doit arriver à des gens, quoi, qui créent des trucs. Non, mais par exemple. Ok. Comme expérience de vie. Non, mais. Ouais, cool. Bonne année, va, Morgane. Yes. Tu sais, bon, bah. Ah, j'aime le faire, putain. Expérience qui. Au hasard, quoi. En Turquie. Ouais, voilà. Un homme a été retrouvé mort, tué par son chien. Bah oui, parce que des fois, les chiens, ils tuent. Ouais. Que s'est-il passé, à votre avis? Alors, il l'a pas dévoré, je préfère vous le dire tout de suite. Il l'a poignardé. Attends, l'homme a été tué par son chien? Par son yinche. En fait, il dormait et le chien, il s'est assis sur son visage, il l'a étouffé. Non. Il l'a fait tomber et il s'est empalé sur. Non. Et c'est l'homme palé, d'ailleurs. Il est tombé sur l'homme pâle. Imitation de l'homme pâle. Bon, après, faut se faire l'image. Hein. Enfin. Je l'ai. Est-ce qu'il est très grand? Bah oui, il est très grand. Donc, non, il s'est fait assassiner même par le chien. Waouh. Ah, oui, autrement que par une morsure. Il l'a griffé. Il l'a pas griffé. Il l'a étranglé. Il avait un couteau dans la bouche. C'est pas un couteau, mais un flingue. Un flingue. Le flingue, il avait le flingue dans la gueule et bah. Alors. C'est pas exactement ça, mais c'est il a appuyé sur la gâchette, le fringue était au sol, tel les t-shirts de Guillaume. Non, dans ce t-shirts. Bouge du 15e arrondissement. Dans ce taudis du 15e. Alors non, je vais vous expliquer. Ça, en fait, et là, Adrien va re-adorer. Parce que là, il se dit, Adrien, oh là là, un chien a tué, j'aime pas trop parce que les chiens sont trop mignons. Bah, il a pas fait exprès, le pauvre. C'est même mieux déjà, que ça. Déjà, range ton flingue. Déjà, qu'est-ce qu'il faut bad boy, flingue, déjà. Pose ton gun déjà. Ouais. Range-le. Lâche, pose ton gun. Avant qu'il y ait Malden. Alors. Il y a eu, du coup. Il y a eu Malden. C'est un chasseur, le maître. Bah, allez. Et là. Et ça fait plaisir. Les fêtes sont déroulées dimanche 27 novembre dans la province de Samsun, en Turquie. Osgur Gervekoglu. Alors, il s'appelle Osgur. C'est ce qu'il a dit quand il. Il aurait dû hurler Osgur, évidemment. Un père de famille âgé de 32 ans était Osgur, oui, bah c'est ton prénom. Pardon, excusez-moi. Je comprends. Je comprends que vous soyez trompé. Je disais Osgur. Ah, mais arrête de dire ton prénom. C'est Raymond DeVos. Ah, moi c'était Christian Clavier, là, l'intonation. Ah, l'intonation, c'est Christian Clavier, effectivement. Mais pour moi, c'était un sketch de Raymond DeVos. Un père de famille âgé de 32 ans était sur le point de rentrer d'un week-end de chasse lorsque l'accident s'est produit. Chasseur a installé son chien dans le coffre de la voiture. Celui-ci a marché sur le fusil encore chargé qui était dirigé vers son maître et aurait appuyé sur la détente. Un régal. Selon le média Turquie, Osgur est mort sur le coup d'un coup de fusil. Non, après, on se réjouit jamais de la mort. Voilà, je vais le dire. Ouais. T'as gâché ma blague. Pour ou contre la chasse. Une question? Non, c'est. On peut rien? Ouais, mais comment vous mangez de la viande après? Ouais. Faut réguler l'espèce. Ouais, c'est une chose quand même. Les sangliers, après, ils envahissent les villes. Hein. Souvenez-vous, en France, avant l'invention de la chasse, les sangliers dominaient la France. Bah il y a eu les dinosaures, les sangliers. Et après l'être humain. Et heureusement, l'humain a inventé la chasse. Et les chevreuils aussi. C'était horrible. La vie avant les chasseurs. Tu pouvais pas faire un pas sans tomber sur un sanglier. À Paris. À Châtelet, là. Attends. La fontaine, là, ils s'étaient tous assis. C'est la les fontaine sangliers. Aux sangliers. Ah, ouais. Nombre de personnes agressées par des sangliers à l'époque. Exponentiel. C'était fou. Ça a failli éteindre l'humain, tout simplement. Donc, heureusement qu'il y a les chasseurs. Merci les chasseurs. Merci à vous. Un avocat de l'Ohio est accusé d'avoir agressé la directrice d'un palais de justice. Une agression fort imaginative. Alors, rien de physique violent, mais quand même. Un peu humiliant, à votre avis, quelle était l'agression? Il a chié dans un sac en papier et il l'a allumé et il l'a mis devant sa porte. Ah non. Oh, c'est pas ça, mais t'es proche. Il a jeté de la merde sur elle. Il a chié dans un truc. Ah. Et l'a jeté. Il a chié. Alors, dans quoi a-t-il chié? C'est notre nouveau jeu du Floodcast. Quoi il a chié? Une boule Pokémon. Dans son sac à quoi il a chié? Dans quoi il a chié? Il a chié. Ça peut être un très bon jeu. Dans quoi il a chié? Ok, bonjour, bonsoir et bienvenue dans quoi il a chié? Une Pokéball? Il n'a pas chié dans une Pokéball. Cet avocat de l'Ohio a chié dans quelque chose. Morgane, dans un sac à main. Il n'a pas chié dans un sac. Adrien, c'est à toi. Un sac, c'est un sac. Pas chié dans un sac, Guigui. Il a chié dans le code civil, c'est un avocat? Non, il n'a pas chié dans le code civil. Je rappelle que chez vous, vous pouvez deviner, vous pouvez nous envoyer une photo dans un truc dans lequel vous avez chié. si vous avez pas les chiottes, hein, soyez original. Un même. Peu d'original. Oh là là. Ah bah oui, bah on parle pas de un récipient. De, c'est quand même quoi, un récipient. Là, ouais. C'est quand même un récipient. Alors c'est pas destiné à recevoir de la merde. Non mais oui. C'est oui, pas bah, ma question. Comme, plein de choses avant les toilettes. Je connais qu'une chose, mais après ouais c'est. Comme vraiment deux trois trucs à part. Non mais. Excusez-moi les bourgeois. Pardon. Moi je chie dans ce que je trouve. J'ai grandi en Bourgogne. Excusez-moi. On n'avait pas tous la chance de chier dans les toilettes. Il a chié dans une bouteille. Il a pas chié dans une bouteille. Est-ce que c'est un récipient? C'est un récipient et c'est un récipient qu'on peut trouver dans par exemple un garde-manger. Une canette. Non, mais on s'approche. Dans une clémentine. Un bol. Guigui est avec nous jusqu'à 22h. Boîte de céréales. Pas une boîte de céréales. Boîte de gâteau. Mais un mug, il a chié dans un mug. Pas dans un mug, dans une boîte de thé. De la nourriture. De crackers. Gâteau apéritif. De chocolat. Ah, cacahuètes. J'attends une marque. M&M's. Non. Pringles. Exactement. Et après, oui. Quelle voix off. Bakelsi aurait jeté la boîte de Pringles remplie de caca dans le parking à Cambridge, Ohio, en novembre 2021. Selon la plainte déposée. Ça parle de voix off peut-être. J'aurais une question sur les voix off après. Ah bon. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font de la voix off autour de la table. Joyeux anniversaire. Là les auditeurs ne comprennent pas. Mais on va y venir. Comprendre. Black LC a plaidé. Vous allez comprendre après. Black LC a plaidé coupable de conduite désordonnée. Il devra payer une amende et des frais de justice selon la plainte. C'est ordonné quand même. Il était quand même bien. Mais c'est pour c'était random ou il lui en voulait quelque chose organisé. Mais il a chié dans une boîte de Pringles qu'il a jeté sur la personne. Ah ok, tout simplement. Il y a Festival Robles. T'as dit quoi là? Non, c'est. En mode organiché? Il a dit. Oh, oh là, ah, mais j'ai pas entendu, c'est ça que t'as dit? En mode organiché? Non, même pas. Non, j'ai dit. Non, mais c'est. Mais attention, j'ai mis le même pas. Même pas. J'ai même pas dit. Putain, j'aurais dû y penser, c'est con. C'était vraiment bien. Encore moins bien que bande organichée. Non, mais faut aller dans. Non, mais t'écouteras l'épisode. On va refaire la blague. En bande organichée, qui peut être le titre également. Attention. Selon la. Donc là, oui. Personne peut nous cacaliser. Bah oui. Bon, bah voilà. Selon la plainte, s'est livré à une. Alors, s'il vous plaît, parce que l'histoire est folle. Selon la plainte, l'avocat s'est livré à cette conduite à 10 reprises. C'est-à-dire que la méthode de chier. Ah, mais il a rempli la boîte. Ah non, il a pris peut-être plusieurs boîtes de Pringles. Oh. Mais après, il l'achetait où? Là, il l'achetait sur la bagnole de la directrice d'un palais de justice. Et pourquoi? Alors, la question étant, pourquoi ne pas jeter directement sa merde? Bah, pour pas salir. Pourquoi le mettre main dans une boîte? Pour pas salir la voiture, mais quel est l'intérêt du coup? Non, pas salir sa main. Ah, la main. Tu veux tenir ta. Toi, t'es. Ouais. C'est une belle beau ton appart. Ah, le fan de métal. Le fan de métal. Ça chie dans la main ou elle fait ça? C'est ça ce que j'allais dire. Alors, sachant que les 10 fois où il l'a fait. Apéro, bah, je suis en train de chier, attends. Quand même que je me lave les mains avant. Pas prendre les cacahuètes avec ma main pleine de merde dans la cage à chier. Les cacahuètes. Oh, choisissant sans discernement l'endroit où il jette les boîtes de Pringles contenant ses excréments. C'est-à-dire qu'il le faisait un peu au feeling. Elle va comme je te pousse, ouais. C'est une question de feeling, hein, d'ailleurs. Elle va comme je pousse. Ouais. Pour le moment, c'est un de mes épisodes préférés de cette année. Attention. C'est bon, là. C'est vraiment Abdel Malik, quoi, le gars. Il manie le langage. Hein. Abdel Colique, j'ai envie de dire. Mais... Allez. qui était aussi le pseudo de mon père, mais pour le. Abd-alcoolique. Abd-alcoolique. Abd-alcoolique. Oh, oh là là, fou. Wow. Pour le moment, c'est mieux que la naissance de ma fille. Voilà, pour le moment, on en est à peu près. Voilà. Alors, en parlant de Pringles, est-ce que vous savez qui est Frédéric John Bauer? C'est la personne sur qui a servi de modèle pour le personnage pour le logo. Non, de non. John Pringles. Non. Le nom du personnage. Ah, c'est ça son nom? Non, c'est faux, j'ai inventé. Je viens de l'inventer. Okay. Totalement. T'inventes trop bien. Pringles, il l'invente bien. Non, même pas. Bah, non, l'inventeur du Pringles. Alors, pas du Pringles, mais de la boîte. Okay. Ah oui. Boîte de Pringles. Il veut une médaille pour avoir inventé une boîte cylindrique. Je pense que ça existait déjà avant. Elle est assez culte quand même, cette boîte. Ouais. C'est le mec a inventé la boîte cylindrique qu'on arrête en fait. C'est vrai qu'on faut qu'on arrête. Oui, c'est vrai qu'on arrête. Arrêtons. Arrêtons. Bon, allez, les gens pour allez, poster. Merci poster, à tous. Pour poster des petits posters là. Ouais. Enroulé, bah il dans quoi? Ah ouais, pour mettre les balles de tennis. Ouais, ah bah alors, c'est pas une boîte de Pringles ça? T'as rien inventé mon pote. Allez. Bon, à d'autres. En tout cas, petite trivia, petite infotabzienne presque d'ailleurs. Bon, c'est voilà. À la mort de ce mec en 2008, une partie de ses cendres ont été incinérées à sa demande dans un paquet de Pringles. Ah non, mais c'est pas dans. Ah c'est non. D'une tristesse folle. Ouais. Ça me rappelle The Big Lebowski. Où c'est, dans, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. C'est une boîte de, un peu boîte. Dans le même genre. C'est une boîte de quoi dans... Bah de gâteau apéro aussi, mais, okay. Mais plus large. Ouais. C'est ça. Je pense des bretzels à vue de nez, mais je veux pas dire. Alors savez-vous, et ce sera après, on passera aux recommandations, savez-vous non, qui est continue. Nicolas le singe? Mon pseudo sur Tinder, mais. Ok. Attendez, pardon, avant de parler de Nicolas le singe, parlons voix off. Ah oui, ça me plaît ça. Parce qu'il y a une info tabzienne. Bon voilà. J'aimerais savoir, parce que j'ai appris ça récemment. On a un journaliste autour de la table qui s'appelle Gigi Pop. Bonsoir. Qui a investigué. Gigi Pop Investigation. Et je ne savais pas. Parce ouais, il a investigué, je lui ai dit quoi. Ouais, t'as rien, 5 ans des dossiers, tu sais ce que j'ai fait. Et j'ai fait, oh putain, bonne news ça. Et il le retourne contre moi de manière. Non, non, non. Wow. Alors, pas du tout, j'ai demandé si on pouvait en parler. Parce que c'est un sujet qui me. Non, mais je. Oui, vas-y. Outing. Il y a une voix. Quelqu'un fait une voix off autour de cette table. Ouais. Pour une marque. Mais je ne fais pas une voix off, je fais des voix off pour. Je suis multimarque hein, dans le monde de la voice et dans le mode de la et dans le monde de la mode et dans le monde de la mode et de la night puisque tu fais la voix de Gémeaux. Je fais la voix de Gémeaux et je fais un outing aujourd'hui dans le podcast parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux en me disant voilà, j'ai cru reconnaître ta voix dans Gémeaux et tout et je réponds jamais. Et oui, bah c'est oui, toi qui bah fais la voix de Gémeaux. Mais après, honnêtement, il y a des pubs Gémeaux, c'est ça? Les pubs, ouais, Gémeaux. Les pubs radio Gémeaux. J'aime Gémeaux. Et si tu l'entends, vraiment, il y a pas de doute. Si tu me connais, et c'est vraiment ma voix parce que c'est, ils ont écrit, l'agence de pub a écrit, enfin, c'est des petites comédies, tu vois. Et c'est vraiment tout le temps quelqu'un qui est un peu blasé. Voilà. Il faut genre humoriste France Inter. Quoi, exactement. Au final. Voilà. Au final. Et donc voilà, oui, c'est moi dans mais les. Mais plein de gens font des voix off. Et même nous. Mais c'est super, j'adore faire ça, moi. Mais oui, alors j'ai fait McDo, j'ai fait. Et puis c'est plutôt bien payé, je crois, en plus, c'est plutôt cool. J'ai fait McDo. Et là, j'ai fait Amnesty International. Parle pognon, je me roule dans la caisse. C'est pas mal, ouais. Parce que nous, on avait fait un casting avec un humoriste dont je tairais le nom, Baptiste Le Caplin. Okay. On l'a pas eu. Ok. Et ouais, les chiffres étaient plutôt chouettes. Hein. Ouais, puis c'est cool et c'est rigolo. C'est chouette à faire. Et puis ça t'empêche à partir du moment où je veux pas être. Mais tout le monde le fait. Moi je me souviens quand j'étais gosse, tout le monde le fait, tout le monde d'ailleurs. Hein. Ophélie Winter. Ouais. Ophélie Winter, depuis que le monde est monde, depuis que bah, le ça monde parle, est de monde. Elle parle de la branlette. Et voilà, bon. Oui. Et Francis Cabrel. Et Francis Cabrel, c'est un taureau. Voilà. Non, quand j'étais petit, c'était Benoît Poulvorde. Il faisait les pubs de Decathlon, je crois. Il faisait des voix. Voilà. Ouais. Et là j'ai entendu, c'est Jonathan Cohen, Le Bon Coin. Je oui. regarde une ah pub oui, Le Bon vu, Coin ouais. Et il y avait la voix de Joko Clico. Donc comme c'est quoi, tu vois, tout le monde fait des voix. Quoi. Et j'avais fait Je mets Maybelline, ça c'était ma petite fierté. Ah bah ça c'est ouais. Je mets Maybelline. Ouais, exactement. Bah là c'est Morgan qui vient de moi, le faire. C'est moi hein. qui chante. Ouais. Mais... c'est voilà. Là tu fais la voix chantée. Non, je fais juste Paris New York. Oh, j'y étais. Ouais, attends, j'étais. Bah, à New York, c'est la radio quoi. Voilà. C'est la radio là. Ça me plaît. Mais incroyable. Moi j'aime bien la voix. Voilà, mais franchement, c'est un bête de plan. Mais c'est un tout petit monde, ouais, donc c'est dur de rentrer dedans. Savez-vous qui est donc Nicolas le singe? Revenons à nos moutons ou plutôt. Nicolas le singe. Revenons à nos singes. C'est délicieux. Revenons à nos gibbons. C'est du lait. Oh, il connaît tous les mots de singe parce qu'il a écrit un rap. Donc du coup, il avait été beaucoup sur le champ lexical. Il y avait une phase sur les gibbons que j'ai enlevé parce qu'elle était en trop. Oh putain. Je vais faire comme toi, je vais faire le buzz en mettant les trucs que j'ai coupés. Ouais, putain, fou ce truc. J'ai mis, pour expliquer aux gens, j'ai mis un dialogue du flambeau. Oui, j'ai vu. Sur Insta et Twitter. Et il y a eu des articles, genre la scène coupée. Wow. Et du coup, j'ai même eu un coup de fil. Ça, je sais pas si je peux le dire pareil. Oh, dis donc, c'est l'émission. Mais dis-le, des... là, allez, on non, est mais où là j'ai reçu un coup de fil parce qu'en fait, l'article disait On ne sait pas pourquoi Canal Plus a coupé cette scène. Alors mais qu'est-ce que c'est lourd. C'est évidemment pas Canal Plus qui a coupé ça. Et d'ailleurs, ça va, c'est marrant quoi. Et c'est moi qui ai un peu entre guillemets merdé parce que j'ai mis scène coupée. C'est même pas une scène coupée. C'est une scène, enfin coupée au scénario quoi. Pas gardé, ils l'ont ouais, même pas tourné c'est quoi. Une chute de et c'est vraiment ça. Et donc du coup, Canal l'a partagé sur ses réseaux sociaux à eux. Pour dire genre non mais nous on trouvait ça marrant quelle bien, époque quoi. Hein, on peut plus rien dire de toute façon j'ai envie de rien dire après si je peux dire qu'on peut plus rien dire ça on peut le dire un peu je crois je vois que tout le monde le dit donc qui est Nicolas le singe je vous en conjure dites-moi alors attends est-ce que c'est ça, le c'est nom d'une personne ouais ça, qui ça, est ça... Bah, vous pouvez poser des questions non mais attends est-ce que c'est le nom d'une personne ou c'est un singe qui s'appelle Nicolas c'est un véritable singe qui s'appelle Nicolas voilà il y avait Fred le babouin la semaine dernière. Voilà. Principe du jeu. Et là, c'est Nicolas le singe. Très bien. Eh bien, écoute. Attends, j'ai pas compris. C'est un humain ou c'est un primate ? Non, c'est un singe. C'est un primate. C'est un singe qui s'appelle Nicolas. Comme son nom l'indique, quoi. Oh c'est là. Un peu écrit dans le. Mais, excusez-moi, les amours, là. Calmez-vous. Vous allez. Je vais lui donner une pancarte, il va te taper sur la tête. Ça va vraiment, ça va. Mais non, mais il s'appelle Nicolas le singe. Vous c'est en... quoi, c'est un être humain ? Elle non, mais dans ses pensées. Ça aurait pu être son nom. Eh oui, je sais, mais on vient de le dire, les gars. Elle n'a pas écouté. Mais bah oui, mais pas qu'on se rosse pour pas mourir. Voilà. Pénible. Pour sortir vivant, en fait. Voilà, cette période. La fausse bienveillance, mais là, bien ça sûr. Va, quoi. Et oh, mon putain, nouveau pardon. De François Valéry. Bien sûr. Oh, excusez-moi, pardon. Comme je mon reviens. Pote le DJ, super. Ouais, chanson, bien sûr. Donc non, Nicolas le singe est un primate et c'est une mascotte de quelque chose et je vous demande de quoi. C'est la mascotte. Ce n'est pas la mascotte. J'ai des que JO le début de la phrase. Ouais. Parti. D'un zoo. Ce n'est pas Travis Scott non plus. D'un zoo. Aïe, aïe, aïe. Non, pas un zoo. Une campagne de pub pour le don. Pas une campagne de pub. Les pinières. Bonne réponse de Morgan. Wow. Non, non, c'est la mascotte de quelque chose. Alors pas une un marque. Truc, pas une marque. Une équipe. Ah, j'allais, ouais. Pas ouais. Un truc méga culte. C'est au Chili, pour être plus précis. Et c'est la mascotte d'une ville. Pas d'une ville. Très bien. D'un. Des keufs. Des keufs. Non, pas des keufs. Quelque chose qui est lié au singe et même à Nicolas le singe. C'est-à-dire que Nicolas, il lui arrivait quelque chose et du coup il est devenu la mascotte de cet endroit qui l'a accueilli. La mascotte, j'allais dire oui, de la SPA, genre. La déforestation. Alors, pas de la SPA, pas de la déforestation. D'un refuge pour animaux. Alors c'est une sorte de refuge, mais j'aimerais une réponse plus précise. Car c'était un peu insolite également. C'est une sorte il de refuge que je ne connaissais parents. Pas. Alors il y a eu une histoire d'abandon, mais ce n'est pas la comment dirais-je la spécificité de ce refuge. Ah, un hôpital pour animaux. C'est un hôpital, mais plus précis que ça. D'animaux de cirque. Un hôpital non, pour singes. Pas alors c'est pas un hôpital pour singes. D'animaux de cirque. Plus précis qu'un hôpital. Une clinique. Ah, une clinique maison de retraite. Pas une maison de retraite, mais c'est pas mal. On s'approche pas une clinique. Un centre de désintox. Un singe. Spa. Wow. Très bonne réponse de Gigi Pop. Mais j'aimais bien le spa de singe quand même. Spa de singe. Un petit spa de singe. près de Santiago au Chili, un centre un peu particulier aux mais aires de forêt tropicale héberge Nicolas, un petit singe capucin qui a réussi à surmonter son addiction à l'alcool et a pu finalement non, retrouver une vie de primate. Chaton. Et déjà Nicolas en plus, c'est le marque qui vend la marque de vin, pas si mal, pas si mal. Nicolas appartenait à des commerçants de la capitale chilienne, il est arrivé dans le centre de désintoxication pour primates de Peñaflor qui est également un Pokémon de type R, privé de ses crocs malheureusement et dépendant à l'alcool et au tabac. Wow, mais comment, mais c'est comment mon daron en fait. Le Gainsbourg. C'est le Gainsbourg. C'est juste mon père, mais. Les anciens. Plus chanceux. Les anciens propriétaires. Alors là, ça devient un peu triste aussi. Les anciens propriétaires lui donnaient de l'alcool parce qu'ils aimaient sa réaction. Parce que faisaient beaucoup de gens qui ont des singes. Oui, bah, ça, ils devenaient plus agressifs et ça les faisait rire. Raconte Nicole. Méga marrant en vrai. Grave bien, marrant. Bonne idée. Je fais ça avec mon bébé, moi. La vétérinaire responsable du centre, en caressant le petit singe, raconte ceci. Après avoir été secouru attends, par la police. Excuse-moi. En caressant le petit singe. Ouais, c'est ce que dit l'article. La tête, hein, j'imagine, mais bon. Après avoir secouru. En branlant le singe, en pardon. En branlant le petit primate. En branlant le singe avec ardeur. Elle se confie. Massage prostatique. Yes. Doit-on peu à peu le petit singe. Elle s'explique. Non. C'est le peu à peu le. Le pire, ouais. Parcourant le pourtour rectal de l'animal. Non. Après avoir été secouru par la police, Nicolas a reçu. J'aime bien parce que tout à l'heure t'as dit il faudrait mettre un trigger alert parce qu'il y a une meuf qui a dit parfois on parle de baston. Le mec il est en train de parler de mettre un doigt à un singe. Oh, mais ça va. Ça va. Ça c'est à la cool. Bon. Ça c'est à la cool. Okay. Non mais attends, le singe s'en est sorti, c'est une histoire heureuse. Oui. Non, tout va bien. Après avoir été secouru par la police, Nicolas a reçu un traitement similaire à ceux que les humains reçoivent pour traiter les addictions. Il est passé par toutes les étapes de la désintoxication et pour supporter l'abstinence, il reçoit un traitement d'antidépresseur. S'il a maintenant putain, bien récupéré, il a bien récupéré, non, le singe va bien, mais malheureusement, son cas est loin d'être isolé. L'alcool avec la cigarette et la drogue est couramment donné aux singes parce qu'ils perçoivent cela comme un jeu, explique les vétérinaires. Dans le centre, il y a également un singe. singe qui a été dressé pour voler discrètement des bijoux, ainsi qu'une femelle. Ouais, ouais, non, il y a un petit film à faire sur ces singes. En tout cas, ce centre reçoit tout type de singes victimes de toutes sortes d'addictions. Il faut savoir qu'au Chili, avoir un singe à une époque était un signe de richesse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes d'animaux. C'est horrible. Et ben Nicolas, Nicolas va mieux. Voilà, on a hâte d'entendre son album. On sait. De slam. Probablement. J'en suis sorti. Son bouquin à la Will Smith ou Matthew McConaughey, À travers les plaines, Nicolas le singe. Chers amis, ça fait déjà quand même 1h30 qu'on parle. Ouais, c'est pas quand on s'amuse, hein. On ne le voit pas passer. Le temps passe. On va tout ce qui n'est pas le cas maintenant. Il paraît que les gens disent ça. On va. Tu sais, quand on est dans la création, c'est vrai que. Tu dis à la tête dans le guidon. Ouais, quand j'ai la tête dans le guidon. Je le sais, mais faut prévisible. Donc, c'est le moment des recommandations culturelles. Les choses que vous avez appréciées récemment, que ce soit dans le domaine cinéma, télévision, théâtre, littérature. Plein de choses, juste même une appli, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Adri Miel, des abeilles. Est-ce que tu peux me dire quelque chose que tu apprécies récemment? Oui. Oh. Deux petits trucs. Enfin, deux petits trucs, oui. Non. Oui. Il y a un podcast qui s'appelle Wind of Change. Scorpion, groupe allemand. Absolument. Ouais. Voilà. Tout ce que je sais. On dit handball d'ailleurs, pas handball, parce que c'est allemand. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Oh, petit trivia que je. Rammstein, deuxième groupe allemand, celui que je connais. Bretzel. Voilà, Bretzel, mot allemand. Non, et en fait, il y a Banane, une légende. Je peux, sinon. Pardon. Faire un cri en story après l'épisode. Hein. Non, il y a une légende urbaine qui dit que la chanson Wind of Change a été écrite par la CIA. Ah ouais, je connaissais pas. La chanson de qui? De Scorpion. Ok. Oh, bien sûr. Oh. Oh là là. Voilà. Et parce que Michelin Dax. Absolument. Pour ceux qui ont la ref. Et oui, en gros pour qui aurait été écrite par la CIA pour accélérer la chute de l'Union soviétique, en gros quoi. Ok. Et en gros le podcast c'est une enquête pour savoir si c'est vrai ou pas. Voilà, le mec enquête pour savoir si. Ça me fait penser au truc que t'avais conseillé avec Tom Hanks. Enfin, tu vois, j'adore les podcasts qui partent d'un tout petit truc et ça devient. Bien sûr, tu m'étonnes. Non, mais c'est top, j'adore moi ça. Et sinon, voilà, podcast. Et ça, il y a eu combien d'épisodes? Ouais. Non, mais je veux dire, c'est le début ou non, ça existe en depuis gros, longtemps. C'est un. Non, non, mais c'est un. Il y a une saison quoi, il y a l'enquête. Oui, mais le truc est sorti quoi, voilà, c'est ça. Oui, oui, l'enquête est bouclée, on peut tout écouter. Super. Génial. Et sinon, les chroniques de Benjamin Tranier sur France Inter, parce qu'il me régale. Faut qu'on arrête de se voir parce que c'était une de mes recrues. Ah bah putain. Après, très drôle. On se voit pas. Donc on se voit jamais. Non, mais le mine de rien, on commence à être un peu connecté. Eh bah attends, tu m'étonnes, 8 ans. 8 ans, vous vous rendez compte un peu. Podcast. 8 ans de podcast. Et donc, ouais, voilà. Et il y a même sur le compte YouTube de France Inter, il y a même une playlist Benjamin Tranier. En fait, il y a une playlist pour chaque chroniqueur, en fait, tout simplement. Sans et doute. Vous pouvez écouter plein de chroniqueurs différents. Je sais pas s'ils sont très à jour. À France Inter, comme par hasard. Comme par exemple, pardon. Oui, je vois. Morgane Canino. Il y a une playlist avec toutes les pubs Gémeaux. Moi, c'est ça. C'est oui. On va la créer. Et non, voilà, ça, il me régale quoi. C'est très drôle. Il est. Mais je pleure. Voilà, et je trouve. En plus, c'est des persos, ce qui se fait moins en plus. Ouais, bon, c'est pas possible. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, mais c'est à dire que les gens qui font des persos, je trouve que ça tourne toujours un peu autour de le Parisien ou la Parisienne et la Caïra et machin. Il y a Mado la Niçoise aussi, tu vois. c'est un perso, tu vois qui c'est. C'est une meuf du sud. Morgane, c'est la sororité du stand-up. Elle va pas commencer à s'attaquer au genre. Oui, alors. Il y a pas de vanne en fait. Il y a pas de vanne, c'est juste ça. Bah, elle existe. Je sais pas ce que t'attends. C'est comme toi, Guigui, tu diras jamais de mal d'un autre podcasteur. Ouais, voilà. Oui, voilà. Mais non, bah, non mais ou alors c'est. Est-ce que t'es bienveillant? Non, mais soit c'est ça, soit c'est des mecs qui mettent un fil tunnel et qui font. De qui tu parles? Non, je sais pas. Ça tire à balles réelles. Bonjour, Gautran. Bonjour, je suis devant la porte. Quoi, ce genre de truc qu'on a vu vraiment fois. Alors, vous êtes dur, hein. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous satisfaire? Attends, merde. On prêche pour ta paroisse, Morgane. Je lui mets une bastos parce qu'il t'attaque depuis le début et toi tu fais. Vous êtes méchant. Pardon, j'ai pas compris qu'on parlait de lui parce que je regarde pas. Pardon. D'accord. Pire, encore pire. Ah. Ah mais toi, toi t'es pas JB, t'es l'autre quoi. Ah oui, je regarde tout pas, je regarde c'est ce que tu fais. Ouais, tout je... était préparé. Oh la vache. Non mais oh je me régale. Et je trouve justement qu'il fait des persos qu'on voit pas. Ah c'est drôle, trop bien. Benjamin Tranier, pas moi. Non non, toi je ressens le. Oh là là, c'est rincé, c'est élimé tellement. C'est pareil des patins. Moi c'est en sourdine. Avec pour ça qu'on l'invite, on s'est dit les yeux à peu près de la bouche là, juste pas de nez et tout trop. Il doit être dispo, c'est pas ça, mais il faut bien remplacer quelqu'un parce qu'il fait ses journées. Et sa tête dans des pâtés en croûte. Ah, on va demander à Guigui. Demain, t'es dispo? Bah, j'imagine. Allez. Ah, t'as dit oui. Après, j'ai dit oui. Ouais. Ça peut te rassurer, c'est pareil pour moi. Allez. Et moi également. Du coup, ça va, Flo? Ça va, vous? Ah, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ah, c'est ce petit milieu. Guigui. Quand t'as pas de gosse, tu. Ah, Guigui. Ah, oui, Guigui. Une recommandation? Qu'est-ce que j'ai regardé récemment? Ah non, si, j'ai regardé le. J'ai trouvé cool le documentaire sur Netflix du mec qui a demandé un avion à Pepsi là. Alors tu peux m'expliquer ça, j'ai vu passer, je ne sais pas ce que j'ai c'est. J'ai trouvé ça trop bien. En fait, Pepsi dans les années 90, ils ont fait une campagne de pub où ils voulaient révolutionner la guerre contre Coca, enfin ils voulaient gagner la guerre contre Coca, ils voulaient révolutionner un peu la campagne marketing et ils ont dit "Eh ben si vous achetez des Pepsi, à l'époque c'était révolutionnaire, vous aurez des points et si vous avez des points, vous pourrez gagner un pull, un t-shirt, une casquette, une veste en cuir, etc." Et à la fin de la pub, il y a un ado qui se dépose en avion de chasse de l'armée devant son lycée et il fait ouais, trop cool d'arriver au lycée comme ça, etc. Et donc la pub pour rigoler en dessous ils écrivent avion de chasse 7 millions de points parce qu'ils se disent bon bah oui, c'est de la merde. Ah ouais. Génial. Et il y a un mec qui dit ok. Un avion de chasse, ouais. Il fait bah trop bien. Et du coup il fait des calculs et tout, il réfléchit à comment il peut et bref il se maque avec un gars qui a un peu de thune qu'il connaît, etc. Et en gros ils font le calcul, bah je spoil pas, mais en gros ils arrivent avec le deal et ils disent bah voilà, bah on veut l'avion. Et Pepsi disent bah mais non. C'était une blague en fait. Il fait ouais, mais c'est pas écrit en fait. Ouais ouais. Et du coup juste cette erreur là, ça a emmené sur une génial. Et c'est franchement le pitch il est trop bien, le c'est documentaire génial. Il est trop bien réalisé. C'est pas long, c'est hyper cool à regarder, voilà. Quel est le titre Guigou? Pepsi Where Is My Jet. Oh là sur là. Netflix. Trop bien. Super cool. Excellent. C'est noté, c'est noté de mon côté. Moi aussi je vais faire ça. Non mais on fait tout pareil. Oh là là. Morgane Cadignan, quelque chose que vous avez apprécié récemment. Si vous voulez encore chercher un petit peu, je peux moi le faire. Si vous vas-y. Voulez. Moi j'ai vu un film qui est pas du tout récent, mais je ne l'avais jamais vu. C'est Police Story de Jackie Chan. Ah oui, oui. Régal Jackie. Avec je suis Jackie un peu Chan. Le Jackie Chan français d'ailleurs moi depuis peu. C'est vrai que toi t'es le Jackie Chan. Je fais mes propres cascades. C'est vrai. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler, ouais, n'en dis pas trop. Ouais, ouais. Mais je n'avais jamais vu Police Story de Jackie Chan et je vais même être honnête, j'ai des bonnes grosses lacunes en Jackie Chan, c'est-à-dire que j'ai c'est bien de le reconnaître. Ah ouais. Ouais. C'est bien de le reconnaître assez parce peu que... assez peu de gens le font. Peu de gens. Surtout les hommes. Les hommes blancs, ils n'admettront jamais qu'ils connaissent pas bien Jackie Chan. Non mais je connaissais bien la carrière américaine à partir de Rush Hour, je connaissais moins la période bah, quand il était encore dans son pays et donc j'ai vu Police Story et pourquoi c'était raciste alors que non c'est ça. Pourquoi son pays. C'est il y avait, il y avait un truc et bref Police Story c'est vraiment un chef-d'œuvre quoi, c'est vraiment fou. Alors il y a des trucs sur le traitement de la femme qui n'ont pas bien vieilli et qui alors, culturellement oui. Voilà, peuvent un peu surprendre, mais les cascades, c'est assez ouf. Il a évidemment fait toutes ces cascades lui-même. Toutes les scènes de baston sont méga inventives. La mise en scène, il se battait bien. Hein. Franchement, il est fort à la baston. Et j'ai enchaîné avec Drunken Master. Bien sûr. La technique de l'homme sous. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est un autre titre en français. Je sais plus du tout. Bagarre soul. Drunken Master, le maître chinois. Bon, vraiment, ouais, ils ont enlevé rapport. Tout l'aspect alcool. Ouais. et c'est très très drôle. Et c'est pareil, les bastons sont ouf. Il y a une baston en vélo. Vous pouvez même, en vrai, c'est ça qui est chouette. Vous pouvez googliser juste Fight Police Story et juste ouais. Mater les scènes de baston parce que les films, il y a un rythme quand même un peu à l'ancienne et on peut se faire un peu yesh, etc. Moi, j'étais à fond, mais je pourrais comprendre que vous trouviez ça un peu lent. Et juste mater les scènes de combat, c'est ahurissant et ça donne vraiment un espèce de recul sur le sans faire le c'était mieux avant. Tu dis on a quand même perdu un truc sur les bastons au ouais, cinéma ouais, quoi fond. Parce que mais il y a un documentaire Arte ah non. Sur la vie de Jackie Chan qui était sorti il y a 3-4 mois ouais. Qui était passionnant sur comment il est devenu ça etc. Que depuis qu'il est tout petit en fait il était dans une école d'arts martiaux où en fait à 4 ans ils étaient là ils lui tiraient sur les jambes pour faire des grands écarts etc., etc. Et c'est trop bien. Non, mais c'est vraiment génial et ouais, j'ai pris une bonne grosse claque avec ces deux films. Moi j'allais dire, il y a une vidéo de feu la chaîne Every Frame a Painting sur comment bien faire de l'action comédie, je crois. Ouais. Il prend Jackie Chan en exemple et c'est trop bien parce que en fait il dit qu'en fait maintenant beaucoup de bastons c'est. c'est très monté en fait. Ouais. Donc, en fait, tu sais pas si les gens savent vraiment se battre ou si c'est juste un effet de montage. Et Jackie Chan, c'est jamais monté. C'est-à-dire que la caméra, elle est posée et tu le vois faire ses cascades, faire tous ses trucs. Enfin, il y a même des coupes. Qui... Les coupes sont malines en fait. Enfin, le montage est extrêmement bien pensé. C'est deux frames plus loin et du coup, le coup. Bah, dans Polystory, typiquement, il y a une scène extrêmement impressionnante où il se jette. Genre, mais franchement, de 7 mètres de haut. Je le fais ça. Et il se tient à une espèce de guirlande au milieu d'un centre commercial. Et ça n'a aucun sens dans le film, mais la scène, tu la vois sous les 5 angles de caméra différents. Donc en fait, il tombe une première fois, puis tu le revois tomber deuxième, troisième, quatrième. Mais dans la façon de raconter le film, c'est vachement bien, quoi. Donc il y a du Buster Keaton, il y a des trucs comme ça. C'est vraiment vachement, vachement bien. Donc voilà, je vous invite à regarder ces deux films-là, Drunken Master et Polystory de Jackie Chan. Juste le début de Polystory, c'est une course-poursuite avec un bus. Si ça vous met pas par terre, ne donnez pas suite au film, mais franchement c'est vraiment très très bien. Morgane, une BD, enfin, ou un roman graphique, je sais jamais la version prétentieuse de BD. Oui, voilà, qui s'appelle Fun Home de Alison Bechdel. Oui. Vous en avez déjà parlé ? Non. Qui est l'histoire qui est son histoire à elle, hein, je crois, Adrien, tu m'arrêtes. Enfin, tu, je l'ai pas tu lu, me hein, gifles la, si je me trompe. Je n'ai pas lu cette BD. Son histoire à elle, qui a grandi avec ses parents qui étaient embaumeurs funéraires. D'accord. Donc qui a grandi dans une morgue, mais dans la maison qui est attenante à un salon de crémation. Okay. Et c'est son histoire, et puis son coming out, sa sexualité, et surtout sa relation avec son père qui meurt assez vite. Enfin, il y a beaucoup de flashbacks et tout. Qui meurt d'un accident de voiture dont on n'a jamais vraiment... C'est à la page 3. Hein. Donc on n'a jamais vraiment si c'est un suicide ou quoi. Et voilà, c'est sa vie, comment elle s'est construite. C'est d'une tendresse folle et c'est hyper beau. C'est hilarant, mais bon, hilarant 8e degré sur le deuil et tout ça. Ça fait un peu penser à Six Feet Under, comme quand on parle. Exactement. Un peu, il y a un peu de ça. Mais j'ai pas regardé. Je sais que je suis passé à côté de ma vie. Non, mais justement, c'est jamais trop tard. Et en parlant de série, une série sur Disney+, qui s'appelle Reboot, de Rachel Bloom, qui était la scénariste et actrice et chanteuse de Crazy Ex-Girlfriend, qui est mon animal totem, cette meuf, et qui a fait une série qui est tellement cool sur une meuf scénariste aux États-Unis qui veut ressortir, faire le reboot d'une sitcom des années 80, mais qui est pas woke, qui est sexiste, qui y a rien qui va. Et en fait, c'est vraiment la rencontre de... Alors, c'est très méta sur les métiers qu'on fait. J'ai vu qu'il y avait qui est de Key & Peele qui gagne. Ouais, oui, c'est ça. C'est et il y a le principal monsieur de Jackass. Johnny Knoxville. Ouais. Exactement. Ouais. Oh, le coup de... Et en fait, c'est hyper, je trouve monsieur. Ça très intelligent et très nuancé sur la rencontre entre la room des auteurs des années 80 et la room d'auteurs actuelle où c'est un peu Walkland. Et c'est jamais un côté de l'un et un côté de l'autre. Et là, c'est parfois t'es vénère contre les nouveaux et parfois t'es vénère contre les anciens. Ouais. Et c'est, ouais, il y a peut-être 6 épisodes et c'est hyper intelligent et vraiment c'est hilarant. Après, je sais pas si ça plaît à des gens qui font pas les métiers qu'on fait. Bah, les gens qui écoutent ce podcast souvent sont intéressés par ces métiers-là. En vrai, c'est très très bien. Reboot. Sur Disney+, voilà, avec de Rachel Bloom. Je conseille. Non, mais trop bien. Mais Rachel Bloom qui est très très fort. C'est vrai que Crazy Ex-Girlfriend, moi, ça m'avait mis une clacasse aussi. Je suis en train de finir là, c'est un peu long et tout, mais c'est tellement moderne parce que la première saison, je crois que c'est 2015. Tu vois, c'est comme Shakespeare, tu vois, c'est moderne. Voilà, c'est Molière, il parle de notre temps déjà. Non, mais le fait que c'est le côté musical qui m'avait vraiment mis par terre. Ouais, les chansons. Mais tu sais que les chansons que je lisais dans mon Spotify, j'en écoute. Le mec qui a écrit toutes les chansons est mort. Voilà. Et bien merci. C'est où est-ce qu'il a chié. A bientôt. À deux doigts de renommer, mais malheureusement, le podcast. On parlait d'Alison Bechdel tout à l'heure. Ouais. Elle a donné son nom au test de Bechdel. Ah, c'est elle ? Oui, c'est elle. Mais non, qu'est-ce que c'est le test de Bechdel ? J'acquiesce en faisant comme si je ne l'apprenais pas de suite. Mais incroyable, moi je ne savais pas. Le test de Bechdel, c'est pour savoir si un film représente. Enfin, si les femmes sont correctement représentées dans un film. Et il y a des questions que tu te poses, et si tu réponds pas oui à une des questions, ça passe pas le test de Bechdel. Je crois que le principal, c'est deux femmes qui doivent parler ensemble, entre elles, mais pas d'un mec. Voilà, et qui ont un nom de famille. Voilà, c'est ça. Voilà. Et qui ont une intrigue dans leur arche de perso qui n'est pas reliée à un love interest. Et si tu coches tout, tu passes le test de Bechdel. Et en gros, 99%. Il y a quand même beaucoup de films qui l'ont pas, hein, j'ai l'impression. Il y a vraiment pas dénoncé, aucun mais... classique quasiment. Il y a vraiment que Céline Sciamma. Oui, c'est ça. Dans oui, le monde. Genre Titanic, et, par exemple. Orange is the New Black. Ouais, ça, ouais. Mais genre dans Titanic, il n'y a jamais une scène où deux meufs parlent, ou non. Alors d'un. Enfin, ah ouais. Où ça parle d'un mec. Après, c'était les années 20. Non, c'était des 80. C'est mon film préféré. C'est mon film préféré, c'est malheureusement. Époque. Non, mais on a bien vu que t'avais des goûts problématiques. Ouais, je suis. Aucun bah... problème. Alors, tu mais peux. Au chien, j'ai chasse à court. T'es en comme... famille, Morgane, t'inquiète, c'est tout vrai. Va bien. Commande sur Amazon, t'as de pièces après, je peux te dire. Petit tour de table, savoir où est-ce qu'on peut tous vous retrouver. Alors, Guigui, tu arpentes les scènes ouvertes de Paname en ce moment, déjà. Oh ouais, mon gars, si vous êtes à Paname, je pense. Bah, mais c'est vrai. Je sais pas comment vous faites pour pas m'avoir vu, quoi, déjà. Je ne vais voir aucun plateau de ça. Voilà. Oui, bah écoute, c'est vrai que t'es lancé dans cette folle aventure. Dans cette folle aventure du stand-up. Parce qu'il y a 15 jours, on a reçu Étienne et Antoine qui ont lancé leur vidéo et on te voit apparaître dans un des derniers épisodes. Ouais, avec qui je traîne pas mal en ce moment. Et d'ailleurs, je ne sais pas quand ça sort cet épisode. Il sort lundi. Eh bien, lundi, et bien, venez me voir mercredi du coup. Allez. Au Monk Comedy Club. C'est un petit comedy club dans un bar qui s'appelle Michel, le Monk. C'est à quelle heure? Je sais plus. Elle viendra pour te huer pendant tout le tour. Tu vas venir. Ah, ouais, c'est la meuf mais de non, Gémeaux mercredi, là. Je peux pas. Et c'est la meuf de Gémeaux. T'es à chier, mec. Et oui, effectivement, il y a un peu de ça. Et non, et aussi avec justement le fameux Étienne. Il oui. Y a une. Il y a mixé. Une boule noire. Non, une boule noire. Que wow, t'avais déjà fait son émission. Ah, vous jouez à Motus. Ah, ah oui, t'es dans le Paris Gale Club. Pigalle des Club. Paris. Le 18, je crois. Le 8. Me demande pas autant de précision. Voilà. Du coup, émission que. C'est pas une émission, bon bref, voilà. Bon, bref. Si, c'est une émission, on peut dire que c'est une émission. C'est une émission. Un spectacle, quoi. Ouais, un petit spectacle, un talk show, DJ, on rigole, voilà, en public, à la boule noire. Et je sais plus la date, c'est le 8 ou le 18 décembre. Et je vous mettrai les infos sur Insta. Suivez-moi, en fait, tout simplement. Le 8, c'est la semaine prochaine, donc. Eh bien, alors, c'est pas le 8. Voilà. Adrien Méniel. Eh bien. Là, t'as un peu. Sans en dire trop, t'as un peu enchaîné les tournages, là, on peut le dire. Alors deux mais oui mais, oui c'est pas mal, non, c'est cool. Dont et puis un, des jolis j'ai pas mal de gens. Ouais, c'est ça. Donc c'est chouette, je peux pas trop en dire. Oh, hein, il va revenir lourd lourd lourd. Les plateformes vont me taper sur les doigts. Oh, attention le streaming. Non, si cela dit, je peux, parce qu'il commence à teaser sur la série, donc je peux dire que j'ai un alors c'est un tout petit rôle là pour le coup dans la saison 1 de Killer Coaster qui a été annoncée hier la série, donc je peux dire. Allez. Nouvelle série de Nicolas Lange qui avait fait Derby Girl. Ok. Et donc c'est, je sais pas si je peux trop dire de quoi ça parle, mais en tout cas En tout cas sur le Gazette teaser, Live Montpellier, ils disent un peu. Enfin, bah ouais, bah voilà, j'étais pour ça que j'étais à Montpellier. Ah, ouais, oui. Et donc j'ai un petit rôle, voilà, là-dedans. Trop et bien. Puis l'autre truc, j'ai pas le droit de le dire. Ah bah on dit rien, l'instant. on dit rien. Juste, bah je suis Jackie Chan, je suis le Jackie Chan français. Ouais. Voilà. On peut dire qu'il est le Jackie Chan français. Est-ce que tu dirais qu'on n'est pas prêt? Personne n'est prêt. Ouais, c'est, non, c'est okay. Clairement pas. Et sinon, c'est la bonne auberge. Jour, hein, la bonne auberge aura repris au moment où. Oh, la bonne auberge. Voilà, oui, sur sublime. Twitch. La bonne auberge JDR. Voilà, du jeu de rôle en live sur Twitch. Ça évolue plutôt bien, on est content. Je vais pas faire d'annonce parce que ça n'a pas encore été annoncé officiellement par Lucien, mais il y a du truc sur Ok, très bien. Morgane Cadignan. On est lundi 5 décembre. On est lundi 5 décembre. Donc c'est les mon année. Non. les mercredis à 19h30 à l'Européen, il en reste 4. Allez. Dépêchez-vous, c'est les 4 dernières parisiennes. Bah, et après, vraiment, c'en est fini. C'en est fini de ce spectacle à Paris. Et vraiment, ouais. Je vais le répéter que c'en est fini pour créer un gros buzz en ouvrant une série de cigales. Allez. Mais il y en aura que deux et ça sera dans un an. Donc vraiment, venez à l'Européen. Voilà, c'est et ça. Après, bah, toujours sur France Inter. Et puis après, toujours la tour. Et puis des petits projets pareils, tu écris en ce moment. À gauche, à droite. Et oui, on t'a vu aussi, le dire aussi, dans tes missions avec Netflix. Oui, aussi, la Netflix Lab, Clara bien Runaway, sûr, sur Jonathan la chaîne YouTube de Netflix. Et évidemment, et principalement, dans les pubs Gémeaux. Mais évidemment, voilà. C'est là où on peut te retrouver. C'est le highlight en fait. D'une carrière. Voilà. Et de mon côté, Baptiste Le Caplin. Alors, je balance des dates parce que mine de rien, en fait, je l'ai pas beaucoup dit pour la Renaissance au final. Mais c'est fini, la Renaissance, donc ouais. C'est terminé. Mais par contre, il sera du 11 au 15 avril à l'Olympia Alors c'est vraiment une phrase de trou du cul, mais dépêchez-vous parce qu'il ne reste pas beaucoup de place. Mais du 11 au 15 avril, il sera à l'Olympia. Et sinon, cette semaine là, donc là la semaine où on sort l'épisode, il sera au Zénith de Rouen le 7 décembre, au Carré des Docks du Havre le 9. Et il y a plein de dates en 2023, Lille, Bruxelles, Lyon. Allez checker sur son site, c'est le spectacle Voir les gens qu'on a co-écrit ensemble. Et voilà qu'il joue. J'ai vu à la Renaissance et qui est formidable. Ah, c'est cool, je suis content que ça t'ait plu. Écoute, oh, bah, je t'ai invité. Oh là là, elle connaît tout le monde. Non, c'était trop bien. Elle connaît le game. Et Jock Mimouni doit être encore aussi dans quelques salles de cinéma. Et puis de toute façon, il va arriver en VOD pas si lourd, longtemps, lourd, je pense. Lourd. En tout cas, il n'arrive pas léger. Ça, je préfère vous le dire tout de suite. Bien sûr, vous l'entendrez. Vous l'entendrez arriver. Le verre d'eau va vibrer comme dans Jurassic Park. J'espère que je serai prêt parce que. Ah bah. Souvent, je suis pas prêt quand ça arrive. Non, non, alors là, si je peux te débarrasser d'un poids, tu le seras pas. Cherche pas à l'être, cherche même pas à être prêt, tu vois. Utilise ton énergie pour faire autre chose. Ouais. Ah ouais, c'est pen lost. Ouais. Ah oui. Allez, ciao tout le monde, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.